Attention, ici votre droïde de protocole T1BB, relation podcasteur, auditeur. L'équipage du Faucon Millénial étant un peu lent, cet épisode a été coupé en deux comme Maul dans la menace fantôme. Ceci est la seconde et dernière partie. Merci de votre compréhension et bonne soirée ou journée. Faucon Millénial vous est présenté par... La boutique de Carplot, l'outpost de Nima sur Jakku. Moi, c'est un Carplot, et je vous revends des portions en échange de pièces de vaisseau, de pièces de autres vaisseaux et des pièces de autres vaisseaux même. On a des portions de militaires, des portions des autres militaires. On a vraiment plein de trucs à manger, donc si vous avez faim et que vous êtes sur Jakku, bah profitez-en et dépêchez-vous car l'offre est limitée. Première apparition du vieux dégueulasse. Ouais, pervers pépère. Le pervers pépère, ouais. Avec ses yeux de porc. Avec son ego surdimensionné, hein, parce qu'il faut qu'il remplisse toute la salle en hologramme. Hein, ah ouais, moi j'ai eu un doute, je me souvenais plus si c'était un hologramme ou non, parce que je me suis dit, mais il était pas si grand que ça. Non, y a bah, quand il est coupé en deux, t'as du mal à complètement mesurer. Donc... Ah bah ouais. Après la sortie du film, tu sais, quand tu le vois, il est en hologramme, tout ça, tu dis, oui, bon bah ok, il s'augmente en hologramme, et t'avais plein de gens après le film qui étaient en mode, oh, il est super géant. Bah tu te souviens. Géant vert. Ouais, c'est du géant bleu. Tu sais que le mec, il a un petit complexe, tu vois, quelque part, tu te dis, c'est comme les types qui s'achètent une grosse bagnole. Bah, c'est comme, le côté comme aussi, le prince Farquaad dans Shrek, oui. Tu sais. mais en plus, il est grand. Mais bah, c'est-à-dire que c'est comme si t'avais vu l'Empire contre-attaque et puis tu te dis, ah, du coup, l'Empereur, c'est juste une tête géante qui flotte. Genre, enfin, pas fait sérieux, c'est un hologramme. Oui, ou alors tu vois l'Empire contre-attaque et tu vois Vador en tout petit. En tout petit, oui, j'étais en train de penser à ça. Après, t'as Vador là, ah, the dark side of the force. Ouais, mais là, il a pas son petit, il a pas le petit holo bleuté, donc je suis d'accord avec toi, c'est vraiment des mecs qui ont pas écouté, qui ont pas compris. Mais c'est peut-être là la différence. Bah, à la fin, on te le montre qu'il est bleuté, justement, qu'il y a des interférences. Ouais, à la fin, voilà. Bah, il est un peu bleuté quand même, enfin, il est pas. Oui, oui. Les couleurs sont pas très bien rendues quand même, quand tu le vois. Dans la salle de conférence géante, là, parce qu'on se rend compte que c'est genre, c'est l'ONU, tu sais, ils sont tous avec. Oui, il y a plein de petits sièges tout autour. On les remarque pas forcément, je les avais pas vus au début, moi, j'ai cru que c'était des tons, moi, et après je me suis dit, ah non, c'est juste des fauteuils en fait. C'est ça, je les ai vus quand je suis passée au Blu-ray, je dis, ah, il y a des trucs dans l'ombre, ah, c'est des sièges. Ouais, mais tu te rends compte que c'est un hologramme dans l'épisode 7, puisque quand la base commence à se détériorer, qu'il se mange des morceaux de la voûte, ça passe au travers. Oui, mais du coup, les gens croyaient qu'il faisait vraiment cette taille-là, tu vois, comme l'hologramme. Ouais, ou alors ça aurait pu être l'inverse, l'effet Mank & Peace, en fait, il est tout petit. C'est une fourmi. D'ailleurs, je trouve Snoke vraiment pas terrible dans ce film-là. Ah non, il fait même pas peur comme dans le 8. Dans le 8, il a ce côté vraiment froid et terrifiant. Là, c'est un prédateur. Ouais. C'est un pur prédateur dans le 8. Alors que dans le 7, il a ce côté vieux, faible. Non, puis la CGI est pas terrible. Hein. Le CGI est pas terrible. Ah, puis il y a des moments où Andy Serkis, tu sens qu'il est resté quand même braqué sur Gollum, hein, parce qu'il y a quelques fois, il y a des phrases qui. Ah, les phrases, elles ressortent là, quand il lui dit la pieuse d'épave, t'as résisté, c'est plus loin, mais là, ça sort vraiment. Ça sort en pur Gollum, quoi. Tu te dis, attends, il s'est trompé de franchise là. Alors que dans le 8, il est méconnaissable. Ouais, non, c'est pas. C'était dans pas encore au point. Dans le 8, t'oublies sans Andy Serkis. Ah ouais, non, mais complètement. T'oublies que c'est pas vraiment Snoke. Ah non, en fait, il existe pas ce mec. C'est Andy Serkis avec plein de points blancs sur le visage. Ah ouais, c'est sûrement un de mes plus gros points noirs dans le film. C'est dans vraiment le dans le 7. C'est Snoke. Je voyais plein de gens en plus sur internet qui s'hypaient sur lui, genre mais il est inintéressant au possible. Ouais, dans le 7, c'est en plus il est pas impressionnant. Alors, il est inintéressant, mais alors Snoke, pareil, il spoil hein, comme leur santé cas, parce que quand il est là en train de dire si le dernier Skywalker et à ce moment-là, il est en train de pointer Kylo du doigt, tu te dis non mais attends. Ouais. Oh, je sais pas, enfin, dès qu'il dit une phrase, c'est mais c'est l'exposition, mais tellement géante. Oui, mais il y en a qui n'ont pas vu le petit doigt, tu vois, au-dessus de la tête de Kylo. Le dernier Skywalker, il le pointe, quoi, tu veux pas. Et qui lui dit, non, mais tu vas te faire, tu risques. Enfin, quand Kylo lui dit, non, mais je ne vais pas me faire séduire, hein. Tu sais, t'as l'impression qu'il va donner son petit coup de coude, là. Séduction. Enfin, je sais bien que ça avait été employé dans la trilogie originale et qu'il n'y avait pas d'histoire de séduction et que c'était un terme qui est maintenant basique dans le. L'idiome Star Warsien, on va dire, mais quand même, ça prend d'autres couleurs, là, on va dire. Il y avait un truc aussi avec le film que, là, quand je l'ai revu, j'ai moins tiqué, mais le nombre de fois où ils disent Han Solo, au début, je me disais, putain, ils s'arrêtent pas, quoi. Je comprends toujours pas pourquoi ils disent tout le temps. C'était pour Han annoncer Solo. Qu'il allait mourir. Genre, c'est quoi le problème qu'il dit, c'est même pareil qu'il dise ton père ou je sais pas quoi, enfin c'est le fait de répéter sans arrêt cette phrase. C'est pour les teubés qui ont pas reconnu Harrison Ford. Je sais qu'il a vieilli, mais c'est vraiment Han Solo quand même. le mot Han Solo est dit par beaucoup de gens, mais très très souvent. Et dire juste après Maz elle le gueule, mais parce que ça, je pense que c'est un moyen de rappeler aussi de manière pas trop subliminale que ben en fait on a un Solo et un Skywalker, enfin ça associe aussi le nom à Kylo en permanence. Oui, c'est vrai, peut-être. Oui, mais du coup, maintenant, les gens, ils pensent pas que c'est un Skywalker. Ouais, les gens sont un peu... Et de toute façon, la généalogie des Skywalker, c'est très compliqué. Avec tous ceux qui sont adoptés, qui changent de nom, ceux qui n'ont pas de père, ceux que... Voilà. Est-ce que c'est ma sœur? Est-ce que c'est mon... Ils savent, ils font juste semblant de pas comprendre. Mais oui, c'est parce que Léa, c'est une fille, donc ça peut pas être une Skywalker. Non, je pense qu'il y a beaucoup de mauvaise foi, c'est pas possible autrement. Oui, oui. Enfin, non, mais c'est clairement ça. Et beaucoup de misogynie ou de sexisme aussi, parce que le côté, c'est pas le fils de Luke, donc ça peut pas être un Skywalker. Oui, parce que Leia, vu que c'est une fille, c'est pas une Skywalker. C'est connu que ça se passe qu'entre mecs. Bah, d'autant que la seule Skywalker d'origine, c'est une nana, en fait. C'est Shmi, donc. Oui, c'est ça, c'est Shmi. Mmh. Ouais, ouais. Je veux dire, elle a littéralement fait un enfant sans mec. Elle a fait un bébé toute seule. Littéralement. Oui. Le nom vient d'une femme, donc... Ouais, c'est vrai. Et donc, comme je disais tout à l'heure, c'était dans cette scène-là qu'à la base, il avait pas son casque et qu'ils lui ont rajouté en CGI comme par hasard. On voit pas son visage pour la première fois face à Snoke, mais face à une autre personne. Hum. Comme si c'était important. Oui, et puis comme vous disiez aussi dans vos épisodes, tu le mets devant Snoke avec ses grands yeux tout tristes, ça fait pas crédible. Quand on parle de papa, oh mon Dieu, mon papa, il va prendre cher. Ouais. Déjà qu'il arrive pas à le cacher avec son masque, c'est-à-dire que même quand il lui retire le visage, tu sais qu'il est papa. Alors, tu vois avec ses petits mouvements de tête le temps qu'il met à répondre, etc. Ouais, il est déjà quand il met. Image dans ses cache. Ouais, tu crois pas une seule seconde, il y a zéro expression dans sa voix. Sur son casque. T'as la voix qui tremble. la dissimulation, même avec un masque, ça, c'est pas son non, truc. Non, il Snoke, il le sait. Hein. Ouais, c'est ça, tu. C'est pour ça qu'il se moque de lui en mode « Ah, ça va être une épreuve que même toi, le mighty Kylo Ren, maître des Chevaliers de Ren, t'as jamais vécu une épreuve comme ça, hein !» Le mec, il se fout littéralement de sa gueule parce qu'il sait que l'autre a encore beaucoup de sentiments pour son père. C'est aussi le départ de la grande légende des Chevaliers de Ren, hein, parce que le moule avait été balancé, là. Donc ça y est, les mecs, ils ne tenaient plus dans leur fauteuil. Attends, il y a toute une collection à faire, là. Attends, il y a des figurines à collectionner. Quand est-ce qu'il y a ça dans les Happy Meal? Il y a un boys band, oui. Girls not allowed. Ah, les mecs qui font du cosplay, mais y a qu'un seul gosse de riche dans la bande, alors du coup, il ressemble à rien, les autres. Et lui, il est shiny. C'est beaucoup trop drôle. Surtout que maintenant qu'on sait à quoi ils ressemblent. Ouais, non, ils sont vraiment, en plus, je sais pas pourquoi ils sont aussi, ils ont l'air aussi sales. Bah, c'est des ils ont l'habitude de traîner avec le garbage, alors ça finit par déteindre. Mais tout le monde est sale, enfin, je veux dire, Finn, il a transpiré comme un porc sur le désert, là. Ray, je sais pas quand est-ce qu'elle s'est lavée la dernière fois, mais... Il y a pas de dos sur Jakku. Mais c'est ça, moi, la première fois que j'ai vu le film, au moment où Kylo, il est vraiment... il lui renifle sur le cou. Hein. Dans la scène interrogatoire, je dis, mais en fait, elle doit puer, ça va être une infection. Être une infection. C'est là que tu sais que c'est du vrai amour, le mec. C'est une ils ont coupé une scène où il sort le Narta, tu sais. Mais ceci dit, lui, il doit puer aussi à cause de ses pets, donc ça fait beaucoup. Ça pue le casque. Oh mon dieu, non. Bon. On a pris de l'avance, on est dans la scène d'interrogation, là, on n'en est pas là. Ouais, après, on a tellement de retard, est-ce que c'est vraiment grave? Ils arrivent sur Takonana, il y a Maz, elle est toute petite, il y a Finn qui s'en va. C'est bon? Non, tu passes pas parce que t'as le palais de contes de fées, puis t'as surtout Han Solo qui fait encore du méta en disant les femmes comprennent toujours la vérité. Et en fait, il parlait des Reylos, voilà, exactement. Il parlait des fangirls. Waouh. Et c'est pas les fanboys qui ont compris ce qui allait se passer dans l'épisode 8, la preuve, ils sont toujours en colère maintenant. Il est où le porc géant? Il est où le duel avec les chevaliers de Rey sur l'île de Luke, là? Ah ouais, c'est vrai. À quel moment que Luke, il bute tous les chevaliers de Rey? Ouais, c'est ça, il les balance dans la falaise. This is the Jedi way. I'm a Jedi like my father. Tu sais, c'est un Megazord, Luke, dans leur version, mais c'est pas grave. Et du coup, oui, t'as Rey qui... son PTSD est déclenché quand Finn s'en va et que du coup, elle est directement renvoyée à son abandon par ses parents. Ah non, non, mais en fait... je plaisantais, mais on a d'autres trucs à dire, je sens, sur le fait qu'il y a la forêt. Non, mais nous, forêt, on a envie d'aller dans la forêt, là, Grouch. Oui, hein. Oui, on veut y aller dans la forêt. Non, mais voilà. D'ailleurs, moment très intéressant, quand ils arrivent sur Takodana, dans le commentaire de JJ, il dit, dans un conte de fées, tu t'attends à voir un château, donc j'en ai mis un, et t'as le prince et la princesse qui finissent ensemble, donc j'en ai mis deux. Ben Solo, et puis la princesse, il va pas finir avec sa mère, donc de toute évidence, c'est le personnage principal, Rey, qui va être la princesse de l'histoire. C'est littéralement ce qu'il dit. Vous pouvez vérifier, c'est dans mon livre. Moi, j'aimerais qu'on parle du reggae de l'espace dans la cantina. Mais elle est trop bien, cette musique. Mais oui. En plus, on dirait qu'il dit coucou, niette. Un film de boule. Ça se confirme. Coucou, niette. Coucou, niette. Bah, vous avez les bonnes oreilles. Insupportable. Et d'ailleurs, la musique, elle a été faite par JJ et comment il s'appelle? Le gars d'Hamilton, là. Ah, Lin-Manuel Miranda. Oui. Voilà. Mais du coup, c'est pour ça que ça parle de coucougnette. Je savais pas qu'il avait qu'il avait écrit coucougnette. Bah, c'est principalement lui, et puis il a sa voix dessus, et je suis pas sûr, mais je crois que c'est... que quand on écoute, on entend bien JJ qui chante sur la chanson. Ah, trop classe. Voilà. Trop classe. C'est lui qui dit coucougnette. On a encore. D'ailleurs, il l'avait chanté en live. On a encore sur coucougnette et puis trop classe. Trop classe les coucougnettes. Moi, j'aimerais en avoir des vrais. Puis les coucougnettes de l'espace, quoi. C'est tellement mieux. Zéro gravité. De toute évidence, c'est le jour des tentacules, les coucougnettes de l'espace, parce que la boule d'entraînement, elle a plein de petits picots. Les Ravstars, ils ont des tentacules. Ah ouais, mais les Ravstars, c'est très plus à la limite, tu vois, le vagin denté que le. que la coucougnette ambulante, mais bon. On a bien fait de revenir en arrière pour pouvoir parler de coucougnette. Justement, en parlant de coucougnette, après, ils finissent dans la forêt. Et Ray, elle rencontre... Je vais laisser respirer, Tuki. J'ai mal aux abdos. Ah oui, ça doit faire mal quand tu ris, là, du coup. Voilà, donc, bon, il y a Maz qui arrive. En même temps, c'est vrai là, qu'on truc... il nous avait quand même supprimé la chanson des Ewoks. C'est vrai que ça manquait de récupérer une bonne chanson. Ouais, je vais y arriver. On va parler de coucougnette toute la soirée. Bah, de quoi d'autre tu veux parler? Et il y a un truc qui m'embête aussi un petit peu, c'est quand... Attends, parce que c'est encore plus fort. Tu sais comment elle s'appelle, ta chanson coucougnette? Elle s'appelle Le Flow de Jabba. Jabba Flow. Oui. C'est la fin du film, en fait. Ils sont tous là, ils se réunissent. Ils se tiennent tous la main, ils font coucougnette. Un truc que j'aime pas, c'est quand Finn s'en va et que Rey le suit, bah, il y a Maz qui se retourne vers Anne et qui fait « C'est qui la fille ?» Et du coup, Théorie. Ça s'arrête là. Ouais. Et du coup, on en bouffe encore de ça. Hein. Ils sont toujours à fond là-dedans. Genre, ah bah c'est la fille cachée de Anne hein, qu'il a eu parce qu'il a trompé Leia. Les mecs, ils sont là en mode « Ah, vous avez détruit les personnages de Star Wars, mais si c'était la fille de l'adultère de Anne, là, ça m'irait. » Genre, vous êtes sérieux? Je casse les coucou. Qu'est-ce que t'as fait, c'est Grosse la fille des coucougnettes de Anne. Quand tu es en train de parler de Anne Solo, j'étais encore des coussins. Oh, voilà, je respire. Ouf. Allez, vas-y. Ouh, c'est bon. Ça y est, c'est passé. Non, mais effectivement, ça ruinerait pas du tout le personnage de Anne s'il avait trompé Leia et abandonné sa fille en bas âge, enfin, à 5 ans, toute petite, sur une planète de mort, avec rien à manger. Ça gêne absolument pas ce personnage, tu vois. C'est pas... Ça, je me demande, est-ce que c'est un résidu du, de l'ancien univers étendu? Est-ce que c'est un truc qui avait été exploré avant, cette histoire de fille cachée? Non, pas du tout. C'est parce qu'il faut qu'absolument Rey, elle ait des parents connus. Célèbre. Et ouais, c'est ça. Okay, c'est, je pense que c'est plus le problème de la prélogie où, d'un seul coup, tout le monde connaissait tout le monde avait construit tout le monde. Enfin bon, c'était d'un seul coup, la galaxie, ça devenait un village, quoi. Et on le paye encore. Et puis t'as Kylo qui tue tout le monde. J'aime pas les villages. Moi, quand je vois un village, je bute tout le monde dedans. Je vois un mais c'est pas blanc, grave je, parce que je, c'est bien là. Donc je pense que c'est surtout la prélogie qu'on paye encore avec les théories à la con. Ouais. De et filiation. Comme JJ, il aime bien faire ces petits mystères là et tout, alors qu'en vrai, les gens ils se montent la tête pour rien, mais. Juste ce petit bout de montage là, on en a encore des gens qui sont là genre ah bah voilà, Anne il la connaissait, à un moment il la regarde et là elle lui demande qui c'est la fille, forcément alors que c'est beaucoup plus intéressant et logique si c'est la réincarnation de ou le prolongement de Padmé, parce que juste avant Maz elle dit que quand t'as vécu des millénaires tu reconnais les mêmes regards et les mêmes yeux chez différentes personnes. Donc c'est beaucoup plus intéressant. On n'a toujours pas parlé de ça, donc les gens ils vont pas savoir de quoi tu parles. Oui, c'est vrai. C'est pas grave. Est-ce que Ximnut t'as compris de quoi elle parlait, Tuki? C'est ce qu'elle dit juste avant que machin se barre, là. Ah oui, mais je parlais pas de ça. Par rapport au fait que c'est la réincarnation de Padmé. Ah oui, ça, non, rien compris, ça. On en parlera avec le Reverse Anidala. Ah ben, j'ai le temps. Tout encore problème. Une histoire de coucougnette. Ah, me relance pas là-dessus, hein, je viens de m'en remettre. Tu vas alors, avoir des montages à faire, gauche. La théorie des coucougnettes inversées. Bah justement, oui, j'irais plutôt là-dessus, moi, mais justement. Oui, tu peux aller là-dedans sur le reverse Anidala, les coucougnettes inversées. Donc, on a Ray qui est renvoyé vers son enfance et qui se dirige dans la cave de base. Parce que Finn est parti. Bah d'ailleurs, elle lui fait pas un scandale pour partir. Elle lui dit « Oh, c'est con, tu t'en vas », mais enfin, elle est pas en train de le retenir. Bah, ça lui fait quand même une crise de PTSD. Hein. Elle internalise beaucoup, comme d'habitude. Bah, hein. Ouais. Ça, c'est un truc, justement, que j'ai mis dans mes notes. Mm. Alors, ça va être un peu long. Alors, c'est vrai, sinon, c'était pas le cas, en fait. que de l'impro, j'ai compris. Que de l'impro, merde. Non, parce que y a un truc qu'il avait dit, JJ, par rapport à E.T. que j'ai trouvé très intéressant. Oui, par rapport à E.T. Allez, on parle là-dessus. Donc, il parlait d'E.T. Il disait que quand on voyait E.T., on voit l'histoire des enfants qui trouvent un alien, machin truc et tout, alors que au cœur de l'histoire, c'est l'histoire d'un enfant qui fait face au divorce de ses parents et qui doit trouver sa place dans un monde qui vient d'être complètement chamboulé. Alors que voilà, c'est fait à travers des artifices, des trucs comme ça. Et ben pour moi, le Réveil de la Force, c'est un film que les gens prennent non pour un film d'aventure un peu con qui a rien à dire et qui est juste un film hommage pour faire plaisir au truc, un film doudou et tout. Alors que un thème qui a beaucoup, c'est aussi un film sur la solitude et l'abandon. Les mauvais parents. Ouais, mais ça fait partie de la solitude et l'abandon, avec Rey, Kylo et un peu Finn, mais pas tant que ça. Et ces thèmes-là, on les retrouve aussi dans la suite. Hein, il paraît qu'il a tout balancé à la poubelle. Il va falloir vraiment un jour m'expliquer cet argument qui ne veut rien dire. Tu parles de Rian Johnson? Les deux films se suivent pas et qu'il a jeté tout ce que JJ avait fait à la poubelle, ça ne veut rien dire du tout. Moi c'est sûr que quand j'ai vu les licornes apparaître et que ça se passait sur Terre et qu'il y avait plus de vaisseaux spatiaux, je me suis dit ouais, c'est bizarre. T'as regardé Harry Potter. Mais voilà, du coup Force Awakens, c'est un film qui te parle de des héros du passé, mais en fait quand tu les vois, ils sont tous humains, ils sont brisés, je veux dire on le voit dans The Last Jedi avec Luke, mais on le voit déjà là avec principalement Anne qui est le papa qui a raté qui a perdu son fils en fait, qui sait pas quoi faire et du coup il fait comme moi quand il est en mode dépressif, il tombe dans ces travers un peu débiles qui sont toxiques comme les pets de Kylo. mais qui sont familiers. Oui. Ils savent que bon bah ils peuvent le faire, c'est une situation pas trop qui les chamboule pas trop, donc voilà. C'est la zone de confort. Et du coup tout ce que les gens ils ont vu, c'était ouais bah ça ressemble à la trilogie originale, c'est juste une glorification du passé, alors que pas du tout. Deux films qu'il y a pour l'instant, ils disent le passé, il est jamais ou alors il faut mettre beaucoup d'efforts dedans, mais ils sont jamais à la hauteur des souvenirs qu'on en a parce que il est déjà passé et ça sert à rien de le remuer, et ce qu'il faut faire, c'est en tirer les leçons pour rendre le présent bon par nous-mêmes au lieu de passer notre vie à ressasser notre enfance, qui est un souci d'ailleurs de Kylo qui surtout dans l'épisode 7, mais même dans l'épisode 8. Et bah, c'est aussi le même souci qu'Arrée, hein. C'est pour ça qu'elle arrive pas à avancer. Elle veut pas se détacher de Jakku parce qu'elle reste à cet état de petite fille qui attend ses parents. Alors que, ça fait des années et des années. Avec exactement la même coiffure. En plus, elle a jamais changé. Oui, c'est ça. Ils sont en miroir, encore une fois, hein. Ils ont une position face au passé qui est inverse. C'est-à-dire, Kylo, il veut, c'est plus explicite dans l'épisode 8, mais il veut brûler le passé. Vraiment s'en débarrasser complètement. Et Rey, elle y reste accrochée comme à une bouée. Elle veut pas s'en détacher. Et effectivement, Grouchkov, ce à quoi ils vont devoir aboutir, c'est une façon saine de le gérer, de l'intégrer à leur façon d'être, à savoir, on en retient les leçons, mais il faut aussi avancer. C'est un entre-deux, en fait. C'est pour ça qu'il tue son père. C'est parce que, en fait, il essaye de couper tous les liens qu'il a avec son enfance et tout sa tristesse de pas avoir eu l'enfance qu'il voulait, de pas avoir eu ses parents et tout. Sauf que c'est pas comme ça que ça marche. tu peux pas. Tu peux pas couper tu, la tu peux la pas douleur. Tuer le passé. Enfin, sauf si t'as une maladie ou un accident qui te fait perdre la mémoire, mais sinon, oui, c'est pas comme ça c'est que ça complètement marche. Utopique ce qu'il veut faire. De ouais, il pense qu'en supprimant l'objet qui provoque sa souffrance, ses angoisses, etc., ça va supprimer les angoisses et la souffrance, mais en fait, ça marche effectivement pas comme ça. C'est pas en supprimant l'objet que tu te débarrasses du sentiment qui le cause. En plus, ça empire le truc, parce que du coup, ce sera jamais réglé, le problème. Non. Ce qu'il a besoin, c'est de se poser avec ses parents et de leur dire, voilà, vous êtes foirés, vous m'avez rendu malheureux, vous m'avez brisé mon enfance, et au lieu de ça, il tue son père, et il aura jamais l'occasion, du coup, de discuter avec lui, et de lui dire, écoute, je vais mal, et j'avais besoin de toi, et t'étais pas là. Du coup, c'est devenu très, très personnel dans ce C'est dans ces moments-là que Star Wars est le meilleur, de toute manière. C'est quand ça touche à des trucs, quand ça dépasse le fait d'être un film de science-fiction. Donc forcément, ça devient forcément personnel. Mais comme il y en a qui veulent rester juste à la science-fiction de base avec les vaisseaux et piou-piou et les machins, c'est sûr que c'est pas forcément ça. Ah oui, oui. Ah bah ça marche pas. La postlogie, le plus important, c'est les personnages. Hein. C'est pas un truc qui te raconte une histoire. C'est pour ça que le set, il se base sur des trucs très connus par rapport aux... Ouais, mais c'est du vernis, c'est artificiel part. C'est parce qu'en fait, c'est du fan service, et voilà. Le plus important, c'est les personnages. C'est aussi expliquer que personne n'est 100% lumineux ou dark. C'est que tu fais des erreurs, etc. C'est apprendre à grandir aussi. C'est la postlogie, elle est pour les personnages, elle n'est pas pour ce qui se passe au niveau des conflits, on va dire, armés. Bah après les piou-piou et tout c'est quand même important parce que sinon ce serait un petit peu badant d'avoir un film qui soit uniquement sur cette thématique là finalement c'est le sucre du médicament qui aide à faire passer la pilule. Oh, Mary Poppins, c'est pour ça qu'il se base sur des trucs connus. Oh, j'avais même pas fait gaffe. Mais tu peux oui ça emballe, mais je veux dire tu y a ce qui fait que ça dure comme franchise, c'est parce que ça parle profondément aux gens à différents niveaux et pas juste parce que ça leur fait passer un bon moment, sinon ces films là on les oublie. Oui. On les oublierait, ouais. On les oublierait très vite. Parce qu'ils ont des gros messages à faire passer et c'est pas juste du divertissement de films de combat et d'aventure. Il y a quelque chose sous la surface. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y en a qui sont autant énervés par la postlogie, notamment The Last Jedi. C'est que ça aborde des thèmes pas faciles à aborder, mais assez profonds. Et du coup, eux, ils voulaient juste je veux du piou-piou partout. Et Luke qui fait des trucs badass avec son sabre. C'est intéressant parce que tout à l'heure je parlais du MCU et un des films que les gens aiment le moins dans le MCU c'est le Iron Man où le mec il est en PTSD pratiquement tout du long. Le 3. Ouais, où en fait il passe son temps à tout le film à essayer de passer au-delà de son trauma et de faire avec et tout. Et c'est rigolo de voir que dès que ça commence à toucher à tous ces trucs-là, les gens ils ont vraiment du mal à suivre, peu importe la franchise au final. Ouais, donc c'est pas un truc propre forcément à Star Wars. C'est dès que les gens essayent de faire des trucs un peu plus profonds, il y a une espèce de réaction viscérale de la part principalement de vieux mecs, je suis désolé, hein, c'est pas pour dire que tous les vieux mecs sont nuls, hein, j'ai un très bon ami vieux mec, hein, Non, mais c'est parce que aussi, t'as ce côté c'est ce côté très sexiste et misogyne qui vient très probablement de leur éducation, du fait que, si le mec il est badass, il est pas censé pleurer. C'est pour ça qu'il y a plein de mecs toxiques qui détestent Kylo, parce que c'est pas un vrai méchant, c'est pas un psychopathe. Il a des émotions. Ouais, les émotions, c'est pour les filles. Oui, c'est ça. Et c'est... Bah ouais. Ah bah c'est pour ça qu'il le traite de fiotte. Hein. Mais c'est ça. Moi, ça me fait toujours rire, les gens qui disent ils adorent Kylo Ren, les incels. Genre, mais vous êtes sérieux ou quoi? Non, c'est l'inverse. Hein, les petits trous de balles comme ça, ils refusent ce genre de truc parce que ça voudrait dire qu'il faudrait s'identifier à quelqu'un qui a des émotions. Non, jamais. Oui. Et qui les exprime, et qui n'arrive pas à les contrôler de façon acceptable en société, parce qu'il a des explosions de colère, il pleure, il est à fleur de peau, donc ça passe pas. Il faudrait qu'il soit impassible, en contrôle permanent. Ah ouais, un psychopathe froid, un robot en fait. C'est ça qu'ils aiment chez Vador, c'est le côté implacable, stoïque. Et puis même... même sans ça, même sans discuter de l'intérêt d'avoir ce genre de thème dans les films, ce qu'ils veulent en fait, c'est un deuxième Dark Vador, et c'est peut-être pas très intéressant d'avoir deux fois le même méchant. Non, mais tu sais, c'est les clair. Gens qui reprochent que le 7 il ressemble trop au 4, mais en même temps ils voudraient que Kylo Ren soit Dark Vador, tu sais, c'est... Je sais pas. Bah, c'est pire que ça parce qu'il lui reproche de pas être Dark Vador. C'est même pas qu'il voudrait qu'il y ait Dark Vador, parce que si il était comme Dark Vador, il serait pas content. Mais en même temps, ils utilisent ça comme une arme contre lui, genre mais enfin, ok, c'est cool, il est pas comme Dark Vador, mais c'est pas le but. Et on s'est complètement éloigné du truc. Je suis désolé, on est parti complètement hors sujet. Reprenons. De tout ça, mais voilà, comme je disais, là on a Rey qui revit encore une fois son abandon, et je trouve ça assez intéressant, parce qu'en plus ça l'a... Ah, voilà, ça, elle est traumatisée par le fait d'avoir été laissée derrière et tout. Et bah c'est pareil pour Kylo Ren, et du coup bah voilà, ils ont encore un truc en commun. Ouais, du coup Rey qui se fait appeler par elle-même et par la force dans la cave de Maz, où elle retrouve le sabre laser des Skywalker. Ouais. Et du coup c'est la fille. Non. C'est... J'adore le truc du sabre laser d'ailleurs, parce que les deux fois où les personnages essayent de l'attraper, tu vois l'évolution à la fin du 7, bah c'est Rey qui l'attrape, et puis à la fin du 8 il est entre les deux, et du coup je suppose que s'il y a encore un truc comme ça dans le 9, bah il ira sûrement dans la main du Skywalker, mm-hmm. Ouais. Vers lequel il devrait aller. Ouais, ouais. Et bah, moi ça me fait marrer parce que j'imagine toujours la force en mode je vais leur donner un coup de pouce, tiens regarde, chope ça, c'est le sabre laser de ton mec, allez, et puis on va devoir faire 2-3 trucs de son passé et de son futur, ça devrait te guider. Ah bah la force, elle fait tout pour elle veut obtenir son équilibre. Si quand Maz lui dit sabre de Luke t'appelle, moi je le dirais plutôt en mode déjà c'est déjà Kylo qui l'appelle d'une manière Oui. Par procuration. Mm-hmm. Parce qu'il est très très présent dans la vision. Enfin, il y est deux fois, c'est le seul qui en a interaction avec elle. C'est le sabre d'Anakin. C'est ça. Et c'est ça. Moins... Ouais. Le problème, ça aussi, de dire c'est le sabre de Luke qui t'appelle, ça a également faussé le jeu et ça a mis plein de gens sur... Bon, parce qu'ils voulaient faire un effet de suspense sûrement, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas vraiment rendu service au fandom avec certaines... Il y a certaines phrases qui sont quand même Ouais, il y a quelques trucs malhabiles. C'est vrai. Ouais. Alors qu'en vrai, voilà, bon, on en reparlera sur le Reverse Amidala, c'est pas grave, mais c'est Anakin qui... c'est le sabre dynastique, c'est la famille Skywalker, quoi. Et plus largement, la relation de la famille à la force, je pense. Ouais. C'est pour ça que c'est important qu'il soit toujours là dans l'épisode 9, d'ailleurs. Ouais. Du coup, Rey voit des visions du passé, entrecoupées de visions du futur. En fait, chaque vision qu'elle a de Kylo, ça a l'air d'être une vision dans le futur. On en voit se réaliser, la forêt. Donc peut-être qu'on verra... Et c'est le seul qui interagit avec elle. Oui. Dans la vision, c'est le seul qui sent sa présence. Ah, puis elle est super, cette scène. Enfin, elle marche... vraiment bien. Et puis il a l'air de la sauver dans une des visions la première, quand il tue le gars devant elle, le gars est en train de brandir une arme au-dessus d'elle. Le type avec un saladier sur la tête. <C'est ça. rire> Le gars qui est dans Star Wars. Je vais faire une salade dorée. C'est là qu'on voit les chevaliers de Rey derrière lui, qui sont quand même, même si on les voit pas très bien, assez stylés. Couvert de boue, mais assez stylé. Bon, puis c'est une première impression, du coup, elle comprend pas... c'est sa première impression de Kylo Ren, mais elle arrive pas à analyser ce qui lui arrive, parce que là, forcément... Ouais, elle l'a même pas vraiment rencontré. Ah oui, elle sait pas qui c'est. Non, c'est la première fois qu'elle le voit. En plus, il est... Si je dis pas de bêtises, il est dans des endroits froids et mouillés. Oui. C'est totalement différent de ce dont elle est habituée. Contraste, dualité... Il est à la fois agressif et en même temps il la sauve, donc c'est un peu aussi, pas agressif, il sort de son arbre, coucou me voilou, je me cache jamais avec elle. Il est pas agressif envers elle, il est juste, il est dans son champ de vision et elle sait pas trop quoi en faire, parce que il se dirige vers elle avec le sabre, mais dans les deux cas il est pas forcément, il est pas en train de l'attaquer, sur les deux scènes. Non, mais il y a quand même une ambivalence. Oui, bah, mm-hmm. elle est voulue, ouais. je pense. Hein, les évidemment. Deux fois. Ouais, bah, oui, complètement. Et voilà, et elle, elle croise des trucs liés aux hommes Skywalker. Mm. Elle voit l'endroit où il y a Vador. La cité dans les nuages, au début. Elle voit Kylo, ouais. Et puis elle voit Luke. Elle entend des voix aussi, elle entend Obi-Wan, elle entend Yoda. Parce qu'il nous a permis de dire aussi que c'était la fille d'Obi-Wan, parce qu'il y avait Obi-Wan qui lui parlait. Ça pouvait être la fille de Yoda aussi. Ah bah oui. Mais voilà, mais du coup, elle croise les Skywalker et leur mentor. Ouais. Hey, c'est ta future belle famille. Elle est, elle est adoubée. Sabre, en fait. Adoubée dans la famille. C'est ça. Ce qui est... intéressant, c'est que c'est là qu'elle a son appel à l'aventure et elle le refuse encore plus fort que Luke. C'est-à-dire qu'elle l'acceptera pas jusqu'à la fin du film, quoi. Ouais. Dans son cas, elle, ça se double avec une autre image, c'est-à-dire que la manière dont elle accède à la cave et elle a un côté un peu barbe bleue, là, si on va dans le conte de fées, c'est-à-dire la pièce secrète où t'as pas le droit d'entrer. Et elle ouvre sa boîte, façon boîte de Pandore, en regardant dedans, et c'est un peu comme si elle lâchait, d'ailleurs, pas longtemps après, il se passe ce qui se passe, hein, c'est-à-dire qu'il y a tout un système qui se fait annihiler, donc c'est un peu comme si elle ouvrait, elle lâchait d'un coup les monstres. Mmh. Et puis Luke, il a pas eu de bad trip en touchant le sabre. Non, c'est la première fois qu'on voit ça en fait. Mmh. Alors ça marche pas comme ça, la force, on a jamais vu ça. Ouais, t'as pas le droit de faire des trucs. La force, elle en a marre de pas avoir son équilibre là, elle utilise tous les moyens. Et je te fais un film, allez, un film immersif en plus. Hein. C'est de la VR. C'est de la VR. et donc elle s'enfuit dans la forêt. Dans la fameuse forêt. Alors, il y a des planètes qui sont détruites, mais on retombe dans la forêt. D'accord. C'est bon, j'ai bien résumé. C'est un raccourci, ouais. Non, mais par contre, le pire, c'est que j'étais en train d'y penser, mais même les planètes qui se font détruire, c'est important parce que, encore aujourd'hui, hein, j'ai vu des gens dire, ouais, mais Kylo Ren, il fait un génocide. Ah ouais, tout le temps. Alors que, justement, durant cette séquence, il montre qu'il est pas là. Il est pas à la cérémonie. Ça se voit sur son visage. Il est pas d'accord avec le fait de faire ça. Il s'en va. C'est Hux qui veut faire ça et Snoke. Mm-hmm. Et il est pas d'accord dès que c'est annoncé, avant que ce soit fait. Parce que quand Hux dit, l'arme elle est prête, on va pouvoir le faire, t'as Kylo qui se tourne vers Hux. Quand ils sont face à Snoke et que Hux, il dit moi j'ai la solution, mon arme elle est prête, on va pouvoir détruire la République, t'as Kylo qui tourne la tête tout doucement vers Hux, t'imagines bien que derrière son masque il est en mode what the fuck. Ouais, t'as Hux qui est en mode j'ai un joujou extra là. Ah ouais, non mais lui il est trop fan de la technologie qu'il a créée, surtout si ça peut tuer des gens. Ah ouais, mais lui c'est un gros fou dénué d'empathie, hein, pour le coup. De toute façon, quand tu vois le discours, mais on a pas zappé la prière à papy Vador là. Si on l'a complètement zappé. Parce que bon. Ah oui. Des choses à dire dessus. Bah c'est. Il est en mode contrition, hein, quand même. Hein. C'est ma faute, c'est ma très grande faute. Hein. Pardonne-moi, hein, je veux dire, il est en mode pardonne-moi, papy, j'ai pas tout fait comme il fallait. J'arrive pas à être comme toi. Non, déjà, en plus, il le dit, quoi, je suis pas Vador. Non, puis il garde son masque pour parler au masque de son grand-père dans ses appartements aussi. Donc ça m'avait marqué. Qu'il ait gardé son masque à ce moment-là. Bon, on se dit qu'il faut qu'il se dévoile pour Rey un peu plus tard, voilà. D'où la manip avec la CGI quand il rencontre Snoke au début, là. Ils ont rétabli le masque, mais je trouve ça assez significatif, ouais, qu'il ait gardé le masque pour s'adresser au masque fondu de son grand-père. Et tu vois bien qu'il est complètement paumé, ce gamin. Il se raccroche à une relique, hein, pour demander des lignes directrices pour demander des conseils, etc. Ouais, en plus, à quelqu'un qu'il n'a même pas connu, à part à travers les histoires qu'il a entendues, quoi. Ouais, donc... et toi connaissant la destinée de Dark Vador, comment il s'est racheté à la fin, tu te dis quoi qu'il arrive, s'il demande ça au casque de Vador, il est complètement passé à côté ce qui est arrivé à Anakin, en fait. Donc c'est fallacieux, ça repose sur au mieux une erreur d'interprétation, au pire on lui a raconté des bobards, en fait. Donc c'est tragique à plus d'un titre, cette scène. En fait. Comme voilà comment on plombe l'ambiance. On va retourner à la forêt. On va déplomber l'ambiance et on va aller dans la forêt, ouais. Avec la première rencontre, donc. Enfin, il y a Rey qui s'est enfui, qui y a BB-8 qui l'a suivi, parce que c'est le meilleur petit bébé. Et la planète se fait attaquer par le Premier Ordre, hein, vu qu'ils viennent de détruire la République. Donc les gars, ils s'en foutent, hein, ils y vont à fond. Rey tue des gens qui lui faisaient rien. Ah ouais, oh zut, alors mais du coup, est-ce qu'elle va pouvoir avoir une rédemption? Elle a tué des Stormtroopers. Le Stormtrooper qui était en train de pisser dans la forêt, tranquille. Cachez-vous, Zizi. Et du coup, voilà, ils préviennent Kylo qu'elle est dans la forêt, donc direct, la fille. Fille. Mais c'est ça. Il se retourne comme un. Ouais, ok. Il se retourne comme un chien qui a repéré la. Qui a senti l'odeur de la proie. Pourtant, il y avait de la meuf dans le Premier Ordre, on avait dit. Mais apparemment, ça... C'est... Non, il n'avait pas trouvé son bonheur. Son âme sœur, mais pourtant, c'est pas comme s'il n'était pas entouré de filles. Enfin, il y a des filles autour de lui. Bon, alors, allons dans la forêt. Il y a leur première rencontre. Et c'est très intéressant, d'ailleurs, parce que c'est elle qui tire en premier, hein. Ah, ouais. Ah ben c'est Anne qui lui a donné le blaster. Voilà. C'est les dépipés, mais c'est le. C'est un hommage, quoi. C'est... C'est très drôle parce que t'aurais tendance à penser que ce serait lui qui tirerait en premier, hein, vu comment il est. Méchant. Bah, dans la novélisation, il lui dit une fois qu'il l'a bloqué, il lui dit tu es terrifié, pourtant c'est moi qui devrais avoir peur. C'est toi qui m'as tiré dessus. Je t'ai rien fait. Il se baladait tranquille, il allait aux champignons, tu sais. Ah ouais, avec son sabre allumé, tu vois. Il allait aux toilettes. Aussi, lui, ils vont tous pisser dans la forêt. Il avait pris le sabre pour couper les orties, pour pas se faire piquer. Pour pas se piquer, ouais. On revient aux coucougnettes, mine de rien. Pour pas se piquer les coucougnettes, j'allais dire, ouais. Bon, enfin là, du coup, ouais, il a dégainé le sabre laser quand même, hein, mais bon. Et mais par contre, il la stalk tranquille, hein. Prend son temps, comme il le fera sur Starkiller, quoi. C'est... Ouais. Il n'est pas. Il nous et puis quand il en a marre, il l'affiche, quoi. Quand il en a marre, c'est bon. Ouais, ça y est, t'as fait mumuse. Bon, bah attends, maintenant. On va passer aux choses sérieuses. Et puis après, il éteint. Mais on le voit pas éteindre le sabre. Déjà, il lui fout dans la tronche. Non, mais il éteint Rey. Il éteint la fille, c'est ça qu'il veut dire. T'étais fixée sur le sabre, Aurélie. Oh, y a pas de raison. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est là, c'est hypnotique, tu vois plus que lui. Donc... Ouais, c'est trop cool. Il lui met l'objet phallique près du visage. C'est ça, ouais. Pour une première rencontre, c'est un peu... C'est un petit peu cavalier, je trouve. Il lui a envoyé une dick pic. Bah ouais, il est encore du côté obscur, c'est logique. Et c'est intéressant, justement, parce qu'après, on voit qu'il est en train de sonder son esprit, et bizarrement, contrairement à Poe, elle n'a pas l'air d'avoir mal, déjà. On n'était pas encore là. On était encore... il lui met son sabre laser. Non, mais... Ouais, mais dans la scène de la forêt, c'est là que la scène coupe. Oui, mais il y a le truc du masque qui s'enlève et tout, avant que... Quel masque qui s'enlève? Mais non, il est toujours dans la forêt. C'est dans l'interrogatoire qu'il enlève son masque. Mais oui, ils sont déjà son esprit dans la forêt, en fait, en mode... Ah oui, t'as vu la carte. Oui, c'est vrai, pardon. D'ailleurs, je trouve qu'il est beaucoup à touche-touche déjà. Ah, et ça. Au moment où les Stormtroopers arrivent en disant il nous faut des renforts, il est vraiment collé serré contre elle, quoi. Ouais, d'ailleurs, il s'éloigne à ce moment-là. De toute façon, je me suis fait gauler, tu sais. Les gars, avant, ils ont fait on parle ou c'est pas le moment. On interrompt quelque chose. Je me demande si c'est les mêmes Stormtroopers, tu sais, qui s'en vont quand ils piquent sa crise. C'est les deux mecs. Ouh là là, il pique encore sa crise avec sa meuf, on a intérêt à s'éloigner. Ouais, parce que là, on va parler sérieusement. Je sais qu'il y a plein de gens hein, qui pensent que Reylo, machin truc et tout, enfin, voilà quoi, que c'est n'importe quoi et tout. C'est textuel. Peu importe ce que vous pensez que Rey, elle ressent pour lui, lui, il est déjà complètement fou d'elle. Ouais. Et c'est pas juste une interprétation à côté. Lui, il est amoureux d'elle. C'est le film, hein. C'est littéralement ça. Mm-hmm. Il se l'embarque. Dans ses bras, comme une princesse. Il le sait pas forcément, mais voilà. Bah, il dit c'est tout ce dont j'ai besoin et hop, il l'embarque et puis il l'emmène. Hein, et il la laisse pas tomber par terre parce qu'au départ, elle devait disparaître dans le script, elle devait disparaître du champ et tomber par terre. Et ensuite, on la voyait dans ses bras sur le champ de bataille. Et ils ont modifié le script pour qu'il la rattrape. Pour pas qu'elle elle tombe par terre. Je pense pour pas que ça rappelle bah, quand Anakin laisse tomber Padmé inconsciente sur Mustafar, tu vois. Après l'avoir étranglée en plus. Hein. Ouais, sa femme enceinte, tu vois. Ah, les gens, ils sont là en mode... Reylo, c'est toxique, mais enfin, je veux dire, vous avez vu un petit peu les relations dans Star Wars je veux dire... Il a étranglé sa femme enceinte, hein, ouais, le grand-père. Hein, puis c'était sa femme, là ils sont même pas mariés. Enfin, ils sont de camps opposés. Il la traite mieux que Papy Vador traitait sa femme. Ouais. Rien que ça, ça devrait faire réfléchir. Kylo, pour pas que Rey elle soit effrayée, elle se débatte et elle se fasse mal, il l'endort. Genre, voilà, fais dodo, je vais t'emmener sur ma chaise spéciale. Pendant ce temps-là, il y a Poe qui est revenu, hein, qui est avec son escadron X-Wing, qui sauve tout le monde. Et du coup, le premier ordre doit partir. Donc, ils s'en vont. Il s'en va avec sa future mariée dans les bras. Avec un jeu sur l'air de rose. Ouais, avec le joli thème musical Roméo et Juliette, quand même, au moment où ils montent dans la navette. Oui. Ouais. Oh, je me demande si c'est un indice pour un truc. Oh, je ne sais pas. Et puis, alors, bizarrement, Anne, il n'a pas l'air affolé. Tu as Finn qui est en panique totale. C'est ça. Anne, lui, il s'en balèque. Hein. Il traverse le champ de bataille. T'inquiète, c'est mon fils, je le connais, il ne va rien lui faire. Attends, le mec, il chiale devant le masque de son grand-père. T'inquiète, aucune chance contre toi. Il va lui montrer sa collègue. Je suis déjà étonné qu'il soit pas tombé dans les pommes en ayant touché une femme. Il a vraiment évolué depuis la dernière fois que je l'ai vu. Mais c'est là que s'il n'avait pas eu le masque, on l'aurait gaulé tout de suite que c'était un futur couple en fait. Ah ouais, moi je l'imagine, tu vois, avec avec la patate quoi, le sourire comme ça, tu sais, avec la nana dans les bras. J'imagine trop avec ce regard pénétrant quand même, Adam Driver en train de la regarder et tout, genre ça aurait été trop grillé quoi. C'est un futur couple. Je me demande s'il n'y a pas un Stormtrooper à un moment dans la navette qui fait. Est-ce qu'on peut ouvrir une fenêtre? Ça pue un peu, là. Les mecs en hyperespace. Oh, tu gâches le moment. Non. Non, c'est pas possible. Mais la question, c'est est-ce qu'il l'a gardé dans ses bras? Est-ce qu'il l'a posé sur une couchette? Non, il l'a gardé, moi, je pense. Il voulait absolument que personne la touche. Ah, moi, je pense aussi. Ouais, mais t'imagines, après, il a traversé tout Starkiller... pour aller la mettre dans la salle d'interrogatoire. Oh bah, il devait être en émoi dans Starkiller, t'imagines. L'autre, il traverse tout Starkiller avec sa fille dans les avec sa nana dans les bras. Oh. Pas dû comprendre, quoi. Tiens, mais attends, il est bizarre, il nous a jamais fait un truc comme ça, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'il est bizarre d'habitude, mais ça, c'est un autre bizarre, quoi. Ouais, puis même là, du coup, comme tu disais, comme tu le rappelais avant, avec la scène de torture de Poe, enfin, il l'a pas laissé aux mains de ses Stormtroopers à lui abîmer son joli minois. Hein. Ah non, non, il est resté avec elle pour qu'elle soit en sécurité pendant qu'elle dormait. Il a attendu qu'elle se réveille. Je pense que si Poe était endormi quand il était entré dans la salle, il lui aurait foutu une claque pour le réveiller ou il aurait fait un gros bruit pour que. Oh bah là, il a eu le temps de faire des selfies et les envoyer au Chevalier de Rennes. Hein. C'est moi et ma future. Il s'est explosé les genoux accroupi comme ça. C'est quand même très inconfortable comme position en plus. Surtout qu'il a des grandes jambes. Ah ouais, c'est clair. Adam Driver, à la fin de la journée de tournage, il devait avoir les genoux en vrac, quoi. Mais après, autant jusqu'à ce moment-là, ça semble. ça semble plutôt être un truc à sens unique. On n'a pas vraiment encore de de retour de la part de Rey sur son impression réelle dans le film. Oui, bah oui, logique. C'est le début, quoi. C'est beau, ça bourgeonne. À partir du moment où elle voit son visage, elle a plus peur de lui. Non. Elle l'appréhende, mais plus pour les mêmes raisons. C'est ça. Et après, une fois qu'elle retourne son... Mais vous allez vraiment très vite. Son... Mais il faut, en fait... moi, je veux aller vite. Il est 8h50. Non, mais en fait, moi, je veux aller vite, mais enfin, on n'a même pas parlé de Leia et tout. Oui, mais c'est pas grave si on ne fait pas exactement chronologiquement. Tant que ça on aurait dû faire un conducteur. Et du coup, oui, à partir du moment où elle retourne son truc de force contre lui, là, elle a vraiment plus peur parce qu'elle se rend compte que c'est juste un gars qui c'est un émo qui a peur, qui essaye d'impressionner les gens et que ça... Ça se trouve, lui, il avait juste... Elle a eu accès à sa peur la plus profonde. Bah, sauf qu'il avait, peut-être juste peur qu'elle voit qu'il la kiffait. C'est-à-dire, bah, aussi. Oh mince, ça peut arriver à lire mes pensées, zut. Bah, c'est la parodie Une journée de la vie de Tchaïkovski Loren. Et en fait, à ce moment-là, ouais, c'est une nana qui adore Tchaïkovski, qui a repris tous les passages où il y a Kylo sur les musiques de Tchaïkovski et qui a mis des sous-titres, genre film muet, tu vois. Et c'est le moment où Rey, elle découvre son pire secret à lui, sa pire crainte, et c'est qu'il meurt puceau. Et là, tu vois la tranche de Kylo, c'est oh, merde, je criais. Faut que je regarde si vous n'avez pas vu ces vidéos, c'est une nana qui s'appelle Psychailologie sur Tumblr. C'est vraiment excellent. C'est vraiment excellent. Et donc, pendant ce temps-là, il y a Leia qui arrive sur Taco Nana qui pète la classe. qui retrouve Anne, qui se font des petites blagues. Maintenant, on peut retourner au reste. D'accord. Moi j'ai toujours un petit souci avec Leia dans ce film là. Déjà ils lui ont refait son visage en CGI et ça se voit un peu. Elle a pas du tout la même tête dans le set que dans le 8. J'avais pris elle a fait une opération entre les deux. Ah ouais ? Elle a refait une chirurgie entre les deux, c'est pour ça qu'elle a un visage si différent dans le 8. Parce qu'elle a l'air refaite, justement elle a l'air refaite dans l'épisode 7 et pas dans le 8. Ah si, les deux, mais c'est juste que qu'elle a un elle a refait une intervention entre les deux. Ouais, ouais, elle a le nez plus large. Oh d'accord. Ah bah j'ai rien dit. Je pense, je suis pas au courant de tout ça, moi je savais pas qu'elle avait fait. Après elle a peut-être fait la chirurgie esthétique, mais le maquillage est différent. Ils ont voulu accentuer certains trucs dans le 8 qu'ils ont pas fait dans le 7, c'est possible aussi. Elle a un nez très fin dans le 7. J'ai pas fait gaffe perso. Elle est beaucoup plus jolie dans le 8, je trouve. Ah, moi j'aurais dit l'inverse, tu vois. Je la trouve plus jolie dans le 7, mais. Oh, bah elle est plus mise en valeur dans le 8 aussi, hein, parce qu'il la met plus en mode royal que. Ouais, là, elle est en mode camouflage. limite en salopette, tu vois. Bon, les retrouvailles sont sympas, c'est sûr, mais. Il y a aussi le retour de Poe, hein, c'est assez stylé. Je suis pas une fan des vaisseaux nécessairement, mais c'est vrai que le passage X-Wing qui rase la flotte, là, c'est assez joli quand même. Ah ouais, elle est belle cette séquence. Ouais. Et puis pour les fans de Storm Pilot, Poe et Finn qui se retrouvent. Ah ouais, c'est après ça. C'est choupi, hein, ouais. Non, ce qui est intéressant aussi dans ce moment-là, c'est quand Anne et Leia parlent de Kylo. Et après, ça coupe et tu passes à la scène de l'interrogatoire. C'est que Leia, quand même, dit qu'il y a encore de la lumière chez lui. Et qu'elle veut récupérer son fils. En fait, qu'ils ont une position très différente sur Kylo. Et c'est là qu'elle lui dit, c'est Snoke qui l'a séduit du côté obscur. Donc ça plante un peu le décor pour l'interrogatoire, en fait. Et aussi. Puis, en plus, cette scène est touchante, parce que c'est vrai qu'on a vraiment les deux personnages, qui sont quand même des hommes, et un homme et une femme d'action, qui sont dans une situation où lequel on ne les a pas vraiment vus. Ben, bon, déjà, ils n'avaient pas de gamins avant, donc évidemment, on ne les a jamais vus en tant que parents, mais en tant que personne, pas en tant que rôle dans la rébellion. Ça rend super touchant, cette scène. Elle est vraiment bien filmée, en plus. Elle est parfaite. Hein. Et en plus, ils sont face à un problème face auxquels ils sont impuissants, en fait. Ouais. Et je sais pas combien de fois c'est arrivé dans leur vie, parce que à chaque fois ils avaient, enfin, ils avaient toujours un moyen de se battre ou un truc comme ça, mais là, ils peuvent pas se battre contre lui, parce que, bah, c'est leur fils, ils vont pas aller lui casser la gueule. Et d'ailleurs, est-ce que c'est à ce moment-là ou plus tard que, Anne dit, bah, écoute, même Luke a pas pu le ramener, alors moi, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Ouais. Et, ouais, Leia répond, bah voilà, Leia répond, bah Luke c'est un chevalier Jedi, mais toi tu es son père. Donc là encore, ils font la distinction, le rôle, voilà, le statut dans la galaxie et vraiment cette relation qu'ils ont pas réussi à construire entre eux avec leur fils. Le drame intime, en fait, t'as les héros d'un côté, c'est plus comme ça qu'on a appris à les aimer. Et puis là, ils sont face à un drame intime, bah, dans lequel plein de gens peuvent se retrouver. Hein, donc. Et ils n'ont pas réussi à gérer. Et aussi le fait qu'ils ont gaffé en l'envoyant à Luke, qu'ils l'ont perdu à ce moment-là. Ouais. Oui, elle le dit, ça très aussi. C'est important, ça. Oui. Ouais. Elle dit, c'est à ce moment-là que je vous ai perdu tous les deux. Mais c'est un peu la même chose que ce qu'on disait dans la cantine de Takoda. C'est là où ça les films deviennent géniaux. C'est quand on oublie que ça devient des films de science-fiction. Bah ouais. Mmh. Bah justement, j'avais pris des notes par rapport à ça, justement. Mais en fait, c'est en lisant Baroud d'honneur, Last Shot, ça parle pas mal aussi du fait que Anne, il se sent jamais prêt à être père et tout, et c'est toujours présent dans l'épisode 7, hein, ça se sent toujours. Et nous on a deux enfants, et le premier il a 6 ans, et en vrai, ce qui est intéressant, c'est que t'es jamais réellement prêt à avoir des enfants. Et c'est pas pour ça que tu dois pas faire le maximum pour que tout ça fonctionne. Moi, j'ai eu de la chance, justement, parce que mes parents, ils ont raté tellement de choses par rapport à moi, que bah, j'ai une liste assez précise de tout ce que je dois pas faire en tant que parent pour que mon enfant, il soit pas dépressif et des trucs comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est justement quand Anne, avant, je suis désolé Claire, hein, mais avant j'aimais pas Anne jusqu'à l'épisode 7, et c'est là que pour la première fois je me suis dit, ah ouais, mais en fait il y a un truc avec lui, et... parce que nous, notre fils aîné, il est nul en social, il est ultra nul, il est du genre à, par exemple, je sais pas, faire des trucs que Kylo il fait. il sait pas vraiment parler aux gens, il arrive pas à exprimer ses émotions comme il voudrait. Alors qu'il est super gentil. Ouais, ouais. Et justement, voir comment Anne, il a raté, entre guillemets, sa parentalité, malgré tout l'amour qu'il peut avoir pour son fils, ça, bah, c'est bien, parce que justement, ça te prend, un personnage que tu connais et tout, et ça le met face à une situation justement qui est hors de son contrôle, mais qui est super humaine, en fait, et dans laquelle tout le monde peut se retrouver. Et ça, moi par exemple, ça m'aide beaucoup à pas lâcher et à pas dire, oui, bah j'y arrive pas et j'y arriverai jamais, et puis toujours essayer de, bah, d'aller au mieux et d'être le plus compréhensif, même quand ça a l'air impossible, quoi. Et pareil, ça sert à rien de baisser les bras au moindre faux pas, parce que au final, bah ça va engendrer plus de mal qu'autre chose, et faut accepter, en fait, que tout le monde fait des erreurs, et même toi en tant que parent, tu vas faire des erreurs, et l'important, c'est pas, enfin faut l'accepter, en fait. Tu vas jamais être un parent 100% parfait, et Anne, il a du mal à l'accepter, ça. Il pense que soit il y arrive, soit il y arrive pas, et qu'il y a pas d'entre deux. Et c'est très touchant que, justement, comme tu disais, que Leia, elle le pousse à aller vers son fils, justement parce que c'est son père et que c'est plus important, en fait. C'est ça qui compte. Parce qu'en plus, Luke, Anne, il a ce côté vachement complexé du fait que son beau-frère et sa femme. C'est des gens qui connaissent la force et qui savent la manipuler. Leia, elle la manipule pas tant que ça, mais elle a une vision très claire de ce qui se passe dans la Force. Elle ressent beaucoup de choses dans la Force. Luke, lui, il la manipule beaucoup plus en soi. Et lui, c'est juste un gars qui vient de Corellia, qui a fait de la contrebande toute sa vie. Donc, il a ce complexe un peu d'infériorité en mode « Ouais, bah, moi, je suis pas à la hauteur d'un fils qui est aussi puissant et qui vient d'une lignée aussi grande. » Il a quand même fait le Kessel Run en 12 parsecs. Ouais, mais le mec, il est tellement dépressif. Il le dit même plus. Depuis... Genre, et ouais, même ça, maintenant, il s'en fout un peu de l'avoir fait. Genre, il rappelle qu'il l'a fait en 12, mais je veux dire, avant, c'était son seul petit truc de gloire, c'était ça, quoi. Oui, avant, il se vantait de chaque petite réussite, alors que maintenant, t'as l'impression qu'il reste que sur les échecs. C'est là que tu te rends compte qu'il a ce côté bravache, c'est beaucoup de la posture, en fait. Hein. Et il gagne vraiment en épaisseur avec l'épisode 7. C'est un peu ce qu'on retrouve avec Luke pour l'épisode 8, en fait, quelque part. Ouais, je trouve ça étrange que les gens soient autant en colère contre le fait que les personnages de la trilogie originelle aient raté des choses, parce que on rate tous des choses, hein. C'est pas grave, justement. L'important, justement, c'est pas de baisser les bras et de repartir faire de la contrebande. Moi, j'ai déjà essayé, hein. je me suis fait arrêter, j'ai passé la nuit en garde à vue. Mais c'est ce que dit Yoda, c'est l'échec, c'est une très, très très bonne leçon. Je sais pas comment ils le disent en français, mais... Ouais, mais comme quoi, c'était déjà un thème de l'épisode 7. Ah oui, bah oui, parce qu'on reprend ce qui se passe dans l'épisode 7. Ce que je disais tout à l'heure, en fait. Voilà. Et donc, cet interrogatoire, alors. Ah. Parce qu'en vrai, tout le reste des autres personnages, à part Finn un petit peu, mais tout le reste des autres personnages, tout ce qui se passe après, c'est pas vraiment intéressant. C'est vraiment juste du background pour avoir une petite bataille à la fin, mais Poe, il sert à pas grand chose en fait. Hein, pareil pour Leia à la fin, toute leur side quest, elle est pas très intéressante et c'est juste, ça rajoute de l'action, quoi. Ouais, parce que ça développe pas tant que ça les personnages. Parce que le cœur du film, c'est Rey et Kylo. Bah ouais. Une fois qu'ils sont mis en présence, tu t'intéresses plus qu'à eux, quoi. C'est bah ouais. Le film aussi, en fait. Ça décolle à ce moment-là, ouais. Ça décolle. C'est là que ça. C'est là que tu te dis ça prend une autre tournure, c'est-à-dire que c'est là que ça bascule dans autre chose. Ouais. Ouais. Bah, ça bascule dans La Belle et la Bête. Ouais. C'est ça. C'est si bien dit. Les ingrédients étaient là avant, mais c'est vrai que d'un coup, t'as le gâteau qui commence à lever, quoi. Et du coup. L'interrogatoire. Donc, elle lui dit que c'est une créature avec un masque. Parce qu'il lui dit, t'as encore envie de me tuer. Tu veux encore me tuer. Ouais, un petit peu. Et du coup, alors qu'il est sympa quand même. Il lui dit qu'elle est son invitée. Il lui fait des petites blagounettes et tout. Il lui dit qu'il a pas blessé ses amis, les traîtres, les meurtriers. Donc, qu'elle devrait être soulagée, tu vois. Ouais, à la limite, il l'a sauvé d'une bande de renégats et de malotrus. Et puis, quand il lui reproche d'avoir un masque, il enlève son masque pour elle. Et dans la seconde, quoi. Oui. C'est dingue. Action-réaction. Alors que Paul lui reproche aussi d'avoir le masque. Quand il lui dit, qui c'est qui parle en premier? J'arrive pas trop à savoir, vu que t'as un masque. Ouais. C'est fou, ça. Il enlève pas son masque. Encore un parallèle. On a fait des setups au début de l'épisode, et là, il y a les payoffs qui arrivent. Bah, puis c'est sûr qu'il enlève son masque, et là, c'est le prince. Ah bah là, c'était foutu. Je comprends que les fanboys aient pas compris. Hein. Moi, je le disais, je crois que c'était à Aurélie que je le disais hier, c'était... moi, les gens... il y en a qui se marraient, hein, quand il retirait son masque, il se foutait de sa gueule et tout. Et moi, je veux pas balancer, hein, mais même Kiki, hein. Moi, j'ai pas rigolé. En fait, je sais ce qui m'a dit... Léger rictus. Non, pas du tout. Je l'ai trouvé moche. je l'ai vu, je me suis tournée vers Crouch-Croix, j'ai fait, mais il est moche. J'étais le seul à dire quoi. Maintenant que je le revois, je le trouve toujours de plus en plus beau. Mais en fait, ce qui me gêne, c'est qu'ils lui ont mis le col qui grimpe sur sa mâchoire. Et du coup, ça lui fait un visage qui part des oreilles et qui continue jusqu'au menton et qui fait du coup un truc tout long. Et je trouvais que ça, c'était pas très joli. T'as pas aimé après, le col roulé. Après, quand il a plus... Ouais. Et après, quand il a plus ça, il est magnifique. Ça, c'est clair. Mais c'est peut-être les longs cheveux aussi. La première impression que j'ai eue, c'était ouais, c'est chelou. Moi, j'allais dire, c'est peut-être les longs cheveux la première fois, ça fait un peu ado aux cheveux gras et tout. Ah bah non, il a pas les cheveux gras, tu rigoles. Il a les boucles et tout, il a le cheveu hyper propre. C'est pas possible d'avoir les cheveux comme ça sous un casque, au contraire, il a des cheveux magnifiques. Non, c'était vraiment le visage long que ça lui faisait que je trouvais. Okay. Que je trouvais étrange à première vue. Après, quand tu le vois sous d'autres angles et tout, tu commences à apprécier, et puis après, bon. Bah, comme Ray, hein. Il faut l'apprécier sous un autre angle. C'est ça. C'est moi, Ray. Il y a pas longtemps, il y a des gens qui demandaient, ouais, les Reylo, quand est-ce que vous avez su que vous étiez à Reylo? Et c'est clairement, il retire son masque et la tête qu'elle fait. Ouais, c'est clair. Je veux dire. Ah, ah ben, ouais. Qu'est-ce que vous pensez qu'elle a dans ce regard-là? C'est plus de la haine ou des trucs comme ça, elle est confuse. Ah ouais, c'est de la confusion. Oui, oui, elle s'attendait pas à un beau jeune homme, je pense clairement. Bah pas. Non, parce qu'elle a jamais vu un prince. Hein. Il n'a pas besoin du masque. Il a un masque, mais il n'en a pas besoin. Ouais. Tu vois? En plus. Donc, c'est... Et puis les jeunes. Pourquoi tu te caches? C'était une créature et d'un seul coup c'est un beau prince donc. Surtout il a pas des yeux méchants tu vois, il pourrait avoir un regard super froid, super noir et tout. Non, il a vraiment l'air gentil. Il a un côté un petit peu arrogant quand même hein, du style. Ouais. Un petit peu ouais. Ouais. Bah, c'est le fils de ses parents quand même. Ça, hein, voilà. Moi j'ai vraiment eu la sensation qu'il a regardé l'air de dire et maintenant tu dis quoi? Ouais, c'est trop ça. Tu vas le regarder. Tu vas fermer ta boîte à chamembert. Tu vois, j'ai plus de masque, hein. T'as vu ce que je fais pour toi? Ah ouais, je suis une créature. Moi, je l'ai vraiment reçu comme ça. Alors après, elle aurait pu aller plus loin. Elle aurait pu lui dire, en même temps, j'aime pas être poursuivie par un mec avec une robe. Alors, enlever la robe. Puis j'aime pas non plus. J'aime pas. Un mec en pantalon, je sais pas, on peut aller jusqu'où. C'est ça. Tu testerais. Des créatures dans des vêtements, là. Attends, elle a déjà pas beaucoup l'habitude de voir des gars, surtout des gars à peu près de son âge et beaux, alors en plus... À peu près à 10 ans près, quoi. Elle a vu le visage... Oula, attends, c'est un peu trop pour moi. Mais je veux dire, voilà, elle regarde pas fine comme ça, elle regarde pas... Elle regarde pas peau tout court. Fine, elle lui a pas fait le coup de l'ascenseur, hein. Kylo, elle lui fait le coup de l'ascenseur, hein. Il lui a fait le coup dans la forêt. Ça, c'est dans lui, ça. Non, ah, non. De regarder de haut en bas. Ah oui, de le checker comme ça, là. Oui. Ah, ouais. Elle l'a checké au moment où il enlève son masque et il se redresse. Elle comprend pas. Elle prend toute la mesure. Ce qui se passe dans la tête de Rey, c'est « Ah ouais, le visage, il ressemble à ça, mais du coup, c'est quoi le reste Mais d'ailleurs, elle lui dit de se virer de sa tête plus tard, mais quand il se rapproche d'elle, elle lui dit pas de se pousser de son espace. Enfin, ça a pas l'air de... Oui, c'est clair. Elle lui dit pas « Qu'est-ce que tu fous, là ?» Ça se trouve, pendant que lui, il se dit qu'elle a besoin de Narta, elle se dit « Ah, il sent bon !» Enfin, s'il nous a évité un pet toxique à ce moment-là. Ah bah là, il a pris sur lui, il a fait un effort quand même. Il a serré les fesses. Ça se trouve, c'est pour ça qu'il était accroupi, c'est un exercice. Oh, on est en train de tuer le romantisme là-bas. Bref. C'est rigolo quand il arrive là, tout fasciné et tout. Et elle qui regarde ailleurs, mais voilà, enfin ça se voit dans sa... Ah, c'est pas rigolo, en fait, Grouch, c'est hyper sensuel et troublant, en fait. Rigolo, on en rigole maintenant, mais en fait, c'est vrai qu'on était... Enfin, c'est dingue, à ce moment-là, ils se sont dit, oh là là, oh, c'est trop pervers, c'est le frère avec la sœur. Pourquoi ils sont allés direct là-dessus, alors qu'il n'y avait pas de raison de penser ça? Parce qu'il y a jurisprudence dans Star Wars. Mais ouais, mais justement, enfin... Ben voilà. Ce qu'il y a, c'est que c'est dingue, c'est que dans le même temps, en fait, ils ont... Enfin, les gens qui ont râlé là-dessus, ils l'ont admis qu'il se passait quelque chose. Ils l'ont vu. Puisqu'ils ont besoin de dire, oh là là, c'est trop pervers. Mais non, c'est pas pervers. Mais ils se... C'est sexuel. Ils se contredisent eux-mêmes. C'est les gens qui disent non, le relo, ça n'existe pas. Et après, ils disent c'est de l'inceste. Bah, faudrait savoir, ça n'existe pas ou c'est de l'inceste. Mm-hmm. C'est ça. Il y a une incohérence totale. C'est ce qui te balance alors... à chaque fois. C'est une prisonnière de guerre. Enfin, je veux dire, à un moment donné. Mais ils l'ont vu la scène avec Po. Tout est dans la façon de montrer. Ouais. Elle s'en sort bien, hein, ça va quoi. C'est, Oui, il y va doucement quand il lit dans ses pensées. Elle est indemne, il fait tout ce qu'il peut pour la rassurer, dans les limites possibles, vu leur situation respective. C'est pas idéal, mais ça se passe au mieux possible pour elle, compte tenu des circonstances quoi. Oui, il peut pas faire mieux. Il peut pas faire mieux, tu vois. Alors que Po, il fouille dans son esprit, mais il lui dit pas ce qu'il trouve. Alors qu'elle, il dit en détail ce qu'il voit. Ah oui, je vois ça. Oh, t'es toute seule, oh ma bichette. c'est aussi une petite façon de se moquer d'elle. Hein. Non, je pense que c'est plus une réflexion. En fait, il est allé. Il a mis le doigt dans son. Attention à ce que tu vas dire. Il a mis le doigt dedans. Bah, tu vois, il a mis le doigt. Bon, bah, écoute, très bien. Il a mis le doigt dans l'esprit de Ray sur ce qui résonne vraiment avec lui. Quand il parle de son expérience intérieure, et c'est pas pour rien que la caméra elle est focalisée sur son visage à lui. En fait, il fait son profil mythique. Il est en train de chercher les trucs qu'ils ont en commun. Ouais, on est tout seul. Exactement. Toi et moi. C'est une réflexion sur lui aussi. J'arrive pas à dormir, toi non plus. Il comprend qu'ils sont pareils, en fait. Puis la façon dont il la regarde, enfin, je veux dire, je suis désolée, mais. Enfin, après, moi, personnellement, je suis d'accord qu'il a un tas de bonnes raisons de se sentir connecté à elle et tout, mais il le fait n'importe comment parce que c'est vraiment la première fois qu'il ressent un truc comme ça ou que je sais pas, c'est l'émotion du moment qui lui fait perdre le sens commun et tout, mais c'est vrai que enfin ça reste quand même pas la bonne manière à faire. Il profite quand même de la situation. Et puis le fait que ça reste quand même un Jedi noir, sa tendance c'est plutôt à se forcer sur les gens plutôt qu'à leur demander poliment s'il peut le faire. Oui, il y a de ça aussi. Ceci dit, lui demande. Quand est-ce qu'il demande ? Il commence par lui demander. Il commence par lui demander. Parle-moi du droïde. Ouais, et puis elle fait genre oui, alors c'est ce modèle là et tout, genre super. Ça maligne. Oui, il s'envoie des pics. Une autre grosse différence qu'il y a aussi avec l'interrogatoire de Po, c'est la lumière. Hein, comme on disait, il était dans une salle très sombre, alors que là, il y a de la lumière partout. Et ils baignent dans la lumière tous les deux. Lui, il commence dans l'ombre et il se rapproche d'elle. Il sort de l'ombre pour aller dans la lumière, oui, d'ailleurs, pour sentir se rapproche d'elle. Plus il se rapproche d'elle, plus il est baigné de lumière. Puis il dit carrément, n'aie pas peur, je le ressens aussi et tout. D'ailleurs, Rey, elle est surtout très mal à l'aise parce que le gars, il lit ses pensées et que du coup, elle essaye de fermer son esprit. Mais c'est pas violent comme Po qui se fait défoncer la tronche contre le truc et qui se met à hurler. Qui a les veines toutes gonflées sur le cou et tout, qui est dans une grande souffrance. Là, je pense qu'elle est surtout mal à l'aise parce que... C'est ça. Il est dans sa bulle, il est en train de lui souffler sur le cou, quoi. C'est clair. Et puis, il la renvoie à ses insécurités quand il dit « Attends, toi, c'est qu'une pilleuse d'épave. » En gros, ce qu'il fait avec Ray, c'est comme s'il allait dans sa chambre, il prenait son journal intime et il lui lisait à voix haute ce qu'elle a écrit, tu vois. Exactement, c'est toujours ça. C'est humiliant, mais c'est pas de la torture, techniquement. C'est pas fait pour faire du mal, c'est fait pour... il veut juste avoir les informations, mais le but, c'est pas de la faire souffrir. Mais du coup, il se laisse complètement distraire parce que il oublie complètement la carte, le droïde. Oui, c'est ça. il est con, on l'a dit. Il est fasciné. Con. Ouais, c'est très drôle parce que c'est probablement Actu qu'elle voit dans ses rêves et il fait. Du coup, il a la réponse qu'il cherche. Où est Luke ? Il le voit. Il voit l'île où est Luke, mais il fait pas du tout le rapprochement. Mm. Du coup, c'est très très ironique. Parce qu'il obtient ce qu'il veut, mais il s'en rend pas compte. Ouais, il est fasciné, en fait. Donc, je pense qu'il maîtrise pas grand-chose. C'est... Moi, je suis d'accord, perso. C'est ça. Moi, j'y vois presque un parallèle avec Anakin, qui a des bonnes intentions et tout, mais qui fait n'importe quoi, parce qu'il est emporté par les événements, parce qu'il est dépassé, ou il est persuadé d'avoir le truc, d'avoir le contrôle et tout, mais non, en fait. Rien du tout. Ouais. Oui, oui. Il essaye de faire son gars impressionnant, de montrer un petit peu de quoi il est capable et tout, mais après, elle se retourne contre lui et elle arrive à obtenir des trucs gênants sur lui beaucoup plus rapidement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que, enfin, je veux dire, si on veut aller là-dedans, bah, elle lui fait exactement le même truc que oui, lui, lui fait avant. Hein. Oui. Donc quelque part, bah il y a espèce de d'œil pour dent, donc qui sont censés être justement. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils finissent toujours par être sur un pied d'égalité. Dès cette scène-là, ouais. Quand lui commence, elle reprend la main, elle est attachée, c'est elle qui reprend le contrôle et qui remporte le set. Tu le vois beaucoup dans la mise en scène, c'est-à-dire que Kylo est debout, il a la main tendue vers elle et plus elle reprend le contrôle. Plus le champ contre champ montre Kylo plus bas qu'elle. Ouais, elle se redresse de plus en plus près d'elle. Elle se redresse et la caméra se met d'une certaine façon où t'as l'impression que Kylo finit à genoux alors que c'est pas le cas parce que du coup il est de plus en plus bas par rapport à elle. Et la musique, le sound design montre aussi leur combat de à travers la force avec les. Tu disais que c'était un chat, c'est ça? Ouais, lui c'est des ronronnements de chat très très allongés et elle c'est des battements de cœur. Ouais. Ah, le sound design sur cette scène c'est un morceau d'anthologie. Hein. Tu sens que c'est une scène pivot dans l'histoire et que il y a énormément de soin qui a été apporté à la réalisation de cette scène. Du coup, la scène, c'est t'as Kylo qui lui ouvre son journal intime, qui se moque d'elle en mode ah, hey, je vois ça, oh, tiens, c'est fascinant, tu vois ça. Et puis elle lui chope son téléphone, elle va voir ses SMS, ah ouais, t'as vu ce que t'as enregistré dans tes brouillons. tu peux parler, hein. Ah ouais, tu voulais envoyer un message à Dark Vador, c'est ça? Est-ce que vous pensez que c'est à ce moment-là qu'ils ont forgé le Force Bond ou est-ce que vous pensez que Snoke disait la vérité quand il disait que c'était lui? Franchement, je pense qu'il y avait déjà un truc. Je pense qu'ils étaient déjà liés depuis longtemps. Oui, parce que déjà. Comme il disait, la force de Rey est venue compenser le côté obscur de Kylo. Elle tombe sur le faucon. Comme on disait, ça fait un peu gros quand même qu'elle tombe pile poil sur ce vaisseau-là. Elle tombe sur son sabre. Ils étaient déjà liés avant. La force les avait déjà liés. À ce moment-là, lui, il réveille la force qui était en elle. Parce que c'est lui qui active les pouvoirs de Rey. Et du coup, ça se retourne contre lui, le pauvre. Je pense que peut-être que Snoke a senti ce lien et a juste activé le fait qu'il puisse se voir à travers la force. Mais c'est pas lui qui a créé le lien. Il l'avait déjà clairement depuis un moment. Et du coup, bah lui, il va le dire à sa maîtresse. Il le dira à la maîtresse. Et du coup, il se fait encore bolosser par Snoke, hein, parce que c'est un peu le... Et Hux. Et Hux, oui. Les deux en même temps, il fait sa petite boule. Il a dit qu'on n'avait pas besoin du droïde parce qu'il avait trouvé une fille. Et là, tu vois qu'il boude. Il boude, il s'est fait gauler comme un gosse. La tête qu'il fait, elle est merveilleuse, ce petit regard en arrière avec le... Franchement, les gens qui demandent pourquoi il a un masque, il y a juste une seconde, là, vous regardez ça, vous devriez comprendre pourquoi il a son masque. Ah, c'est vital pour lui. Hein. Tout de suite. Ouais. Ah, mais c'est sûr. Genre, dès qu'il est à lui, c'est foutu. Tu lui donnes 15 ans, quoi. Ouais. C'est hyper impressionnant comment Adam Driver l'a interprété plus jeune et ça fonctionne. C'est que vraiment, tu dis, ah ouais, c'est un gosse, quoi. Ouais. C'est un gamin. C'est un gamin qui s'est fait gauler, quoi. Pendant ce temps-là, pardon. Rey se dit, tiens, je vais essayer de faire comme Kylo Ren et je vais essayer d'utiliser ce qu'il essayait d'utiliser, on va voir. Et puis elle finit par réussir à contrôler les sur James Bond. Il y a ça. Sur James Bond, en plus. Ou alors, on peut repenser au fait que elle connaît les histoires des Jedi et des trucs comme ça. Et maintenant qu'elle sait que la force existe et qu'elle a pu voir aussi que elle pouvait l'utiliser vu qu'elle vient de l'utiliser sur Kylo Ren, je veux dire, si toi t'étais fan de Star Wars et que tu découvrais que la force ça marchait et tout et que t'étais prisonnier, est-ce que tu essaierais pas d'utiliser la force? Ah, carrément. Est-ce que tu essaierais pas, je sais pas, moi, de mind trick quelqu'un? Bah, si, complètement. Avec le mouvement de main d'Obi-Wan et tout, moi j'aime à fond. Ouais, ouais, bon, elle peut elle pas peut bouger pas ses mains d'ailleurs. Elle, elle doit s'y reprendre à 3 fois quand même, hein. Ouais. Alors qu'elle comprend, enfin, qu'elle connaît le truc, tout ça. Ben, voilà, c'est parce qu'elle a, elle, c'est le temps qu'elle perçoive comment la force fonctionne. Au début, elle essaye et puis tu entends le, dans le sound design que quand elle est face à lui, elle ressent un truc et elle comprend que, ah attends, peut-être plutôt comme ça que je peux la manipuler, la force. Et ça marche. Mm. Donc, l'intonation, ah, je sais pas, que je me souviens plus ce que ça donnait en français, mais l'intonation de la voix, elle est beaucoup plus sûre d'elle la dernière fois, et elle ferme à moitié les paupières, et elle est beaucoup plus, elle a une voix vraiment égale, et c'est le moment où ça fonctionne. Et tu vas lâcher ton arme. Ouais. Et une fois qu'elle a réussi une fois, c'est bon, elle a la connexion, et hop. Allez, c'est parti. Donc elle s'enfuit. Pendant ce temps-là, t'as les trois zigotos qui arrivent avec le Faucon Millenium parce qu'ils se sont fait avoir, hein, parce que Finn, il a menti, encore une fois, sauver Rey. Pour aller sauver Maman Canard. Ouais. Et puis quand même, cette histoire de passer au travers du bouclier en passant à la vitesse de la lumière, mais moi, ça m'a quand même foutu le doute si Anne n'avait pas la force, parce que quand même... je veux dire l'intervalle dans lequel ça doit se dérouler, mais c'est de la, je sais que c'est de la science-fiction et tout, mais wow, ça m'a foutu le doute quand même. C'est pas comme ça que ça marche. Il dit que c'est pas un truc à la Asimov où le bouclier il se désactive et s'active ultra rapidement et du coup t'as un intervalle où tu peux passer. C'est le bouclier, il bloque les trucs qui sont pas en vitesse lumière justement. Quand t'es à vitesse lumière, le bouclier marche plus a priori. Pour comment ça fonctionne. Ouais, mais comment il atterrit? À quel moment même, il ça veut dire qu'il doit atterrir le moment où il arrive. Au moment où il sort, ouais. Donc c'est de la SF. On s'en fout que ce soit pas réaliste, mais quand même, ça m'a foutu le doute s'il avait pas genre de super pouvoir aussi, parce que waouh. Sur son GPS, ça lui a mis. Vous êtes arrivé à destination. Ok, coupe les moteurs. Donc en tout cas, ouais, balèze Han Solo là sur ce coup-là. Ah ouais, super pilote. Il a dit qu'il était le meilleur pilote. Bah pour une fois, c'est pas juste de l'avantardise, c'est ça qui est bien. C'est ça. Là, il le montre. Il a un plan et ça marche. C'est peut-être le premier plan qu'il a fait toute sa vie qui marche. Ouais. Moi, il y a un truc qui me saoule et je vois que ça à chaque fois dans ces moments-là. C'est quand Kylo, il se dirige vers la cellule que Rey a désertée. Un coup, il a la capuche, un coup il l'a plus, un coup il a la capuche. Ouais. Et je pense qu'en fait, ils ont utilisé des rushs de tout le temps où il la recherche sur la base, mais après, il a plus la capuche. Et là, t'as un vieux faux raccord. Et à ce moment-là, je vois que ça. Ça me saoule parce que je vois jamais que remarqué, ça. Tu vois. Donc en fait, tu peux imaginer qu'il passe, qu'il se balade dans tout Starkiller en mode Benny Hill, en train de chercher. Ouais. Attends, j'avais pas ma capuche. Il retourne, il la chercher, il la remet. C'est ça. D'ailleurs, face à Snoke, il a la capuche et pas le masque. Du coup, il avait posé son masque. Il est allé le chercher, mais pour le mettre, il a dû enlever sa capuche, il a mis son masque, il est reparti, il a fait « Non, j'ai oublié ma capuche », il est reparti, il a remise, il est allé là-bas, il a vu qu'elle était pas là, il a pété un câble, il a fait fuir les gardes, et après, bah, il a retiré sa capuche parce que de toute façon, il avait trop chaud. On a tous vécu ce genre de situation. Ouais. On a tous expliqué, je comprends mieux, merci. Ça lui a pris 2h30. Ah, c'est pour ça. Du coup, elle a largement le temps de se sauver. C'est pour ça qu'il pète un câble finalement. C'est pour ça qu'il fait plus le temps passe, plus ses pouvoirs augmentent. Hein. Voilà. Et par rapport à Finn là, qui a menti là dont tu parlais, Grushkov, moi je me suis demandé, ça annonçait pas un peu le fait qu'il se sacrifie comme ça pour aider les gens. Ça m'a fait un peu, ça résonnait un peu avec le sacrifice loupé de The Last Jedi. Bah. C'est-à-dire que Finn, il est très tout ou rien en vrai. Hein. Oui, il est c'est-à-dire impulsif que aussi. Hein. Soit tu fais partie du premier ordre, soit tu t'enfuis, soit tu vas sauver Rey, soit tu meurs. C'est-à-dire qu'il y va à fond hein, dès qu'il a un truc. Donc là, il fait bon bah faut que j'aille sauver Rey, et ben je vais mettre la galaxie en danger parce que j'ai que ça à faire quoi. Et puis tu vois que Han, il a vieilli parce que. Finn lui dit ouais t'inquiète on trouvera, voilà. Alors c'était bien sa philosophie quand il était jeune, mais là il est en train de se dire non là mec ça marche pas comme ça. Oui, d'ailleurs, je trouve ça intéressant que les gens disent que Poe, c'est le Han Solo de la nouvelle trilogie, alors que Finn, il lui ressemble beaucoup plus. Mais oui, mais d'ailleurs, ça dit, c'est son mentor pendant tout le set. Hein. C'est le mentor de Finn. C'est le mentor des deux bébés, là. Alors que Poe, c'est Leia et Holdo, ses mentors. Oui, ouais. Parce que lui, c'est un vascu toxique. Ouais. Il a besoin des deux femmes les plus puissantes de la galaxie. À part Rey, mais Rey, elle l'ignore. Non, mais... Ray, elle a oublié qui c'était. Voilà, comme ça, son ego, il se prend bien un coup de balai. Il retrouve Ray. Et du coup, il retrouve pas Ray, lui. Ah oui, si, Finn et tout, oui. Finn, ouais. C'est Anne qui la voit en train d'escalader. Avec son menton, là. C'est ça. De la barbe. Regarde derrière toi. J'essaye de faire un plan. J'adore cette interaction entre Finn et Anne, même au moment où ils arrivent à cerner Phasma, et que t'as Finn qui pète un câble, qui dit « Alors, c'est qui le patron, hein ?»« C'est qui le patron, Phasma ?»« C'est moi !» T'as Anne qui dit « Ouais, c'est bon, calme-toi. » Oui, ils chauffent très vite. Hein. Ils sont trop mignons, tous les deux, leur interaction, elle est vraiment... C'est le côté très enfant de Finn, hein. Il s'excite pour un rien. Ah ouais, c'est ça, c'est vraiment un gosse, quoi. Bah, à mon avis, dans cette séquence-là, il y a aussi un peu toute la frustration qu'il a dû accumuler en tant que Stormtrooper qui lâche là tout d'un coup sur sa chef. Ah oui, mais c'est une réaction très enfantine quand même, hein, de faire « Hey, c'est moi le chef !» Le visage qu'il a avec le gros sourire et tout. Tu sais, un adulte, j'aurais fait plus « tu fais moins la maline maintenant », ou une espèce de punchline comme ça. Ou je suis pas sûr. Avec une grosse voix, et lui, il est en mode tout excité, tout « Ah ouais !» Mais ça, c'est sa frustration qui se libère aussi. Mais elle se libère de façon très, très, très enfantine, très joyeuse. Et du coup, il se retrouve avec Rey, et puis c'est la première fois qu'il y a quelqu'un qui revient pour elle. Ouais. Après toutes ces années à avoir attendu. Quelqu'un qui l'a abandonné et qui revient. En plus, quelqu'un qui l'a abandonné et qui revient. Chewbacca lui dit c'est Finn qui a eu l'idée de venir te chercher. Et du coup, il dit ouais, mais en fait, il m'a pas abandonné. C'est hyper important. Les gens ont tendance à sous-estimer l'importance de ce moment, mais pour vrai, c'est un shift monumental. Hein. Ouais. Ouais, il y a des gens qui tiennent à moi. Et tu peux t'éloigner de quelqu'un et après revenir, c'est ouf. Et quand même rester juste ami avec eux. Non mais c'est vrai, quand même, t'en parles, Grush. Si dans n'importe quel autre film, ça aurait été vraiment le prétexte à une romance pas très bien amenée. Et là, c'est vraiment jamais suggéré. On parlait de Storm Pilot, je trouve que la manière de filmer Finn et Poe, je comprends comme pourquoi les gens se sont emballés là-dessus, parce que la manière dont ils filment les personnages le suggère beaucoup plus que la manière dont ils filment Finn et Rey. Finn et Rey, carrément. C'est vraiment de limite frère et sœur, ouais, comme on disait. Hein. Pareil dans le 8, ils se voient presque pas, mais... T'as vraiment cette espèce d'amour fraternel qui fait du bien à voir en plus dans un blockbuster où t'as deux, un jeune homme et une jeune femme qui sont capables d'avoir une amitié, ouais. Bah non, complètement. Ça, c'est peut-être l'un des plus gros tours de force du film. Ah oui. On a besoin de bonnes amitiés comme ça. Et pas toujours que ce soit un truc romantique. Parce que Leia, elle a eu même un truc romantique avec son frère. Donc c'est pour prouver à quel point il faut absolument que les meufs, elles aient des trucs romantiques avec tous les gars dont elles sont proches. Quoi. C'est horrible. Mm-hmm. Et ils ont pris le contre-pied complètement. C'est, surtout dans du film mainstream. Ouais. Ouais. C'est-à-dire que Rey, t'as quand même, elle est cernée par les personnages masculins pendant tout l'épisode 7 ou presque. Ils sont tous attirés par elle d'une façon ou d'une autre. Ils vont tous finalement se lier à elle d'une manière ou d'une autre. Mais la seule interaction, le seul lien romantique qui va se créer, c'est avec Kylo en fait. Anne, c'est une relation père-fille. Finn, c'est frère et sœur. Vraiment des super bons amis. Finn, il devient un peu sa famille au moment où, contrairement à sa famille, il revient pour elle. Oui, c'est ça. Il y a ça aussi qui se passe pour elle. Donc, et c'est pareil dans le 8. C'est vraiment à chaque fois, c'est sa famille qui revient à elle. Oui, et puis à aucun moment ils ont des regards chargés de sous-entendus l'un vers l'autre. Quand Finn il regarde Rey, il a pas l'air de d'être fou amoureux, tu vois. C'est pas comme Poe qui se mord la lèvre. Il a l'air de vraiment l'apprécier très fort, parce que justement c'est la première personne qu'il a considérée comme un être humain et pas juste un Stormtrooper. Et elle, quand elle le regarde, c'est plein de compassion aussi. Mais c'est pas comme elle regarde Kylo dans l'ascenseur, tu vois. Non. Non, non. Et d'ailleurs, Finn ne la regarde pas comme Kylo non plus, hein. Jamais. Donc, même au moment où il lui demande si elle a un petit copain, c'est pas l'intensité du regard de Kylo, genre je te veux, tu es la femme de ma vie. C'est mais non, pas non, dans ce registre-là. C'est plus en mode, tu sais, un peu taquinerie, un peu. Attends. Ouais, tu t'attends presque à ce qu'il lui tire les cheveux, il tire sur ses couettes, quoi. Sur ses bonnes... Il le fait presque, hein, du coup, quand il fout sa main dans sa tronche. Bah écoute, c'était le truc le plus pratique. Elle était plus haute, donc voilà, c'était pratique. Alors qu'ils font exactement la même taille en plus. Non, mais t'imagines Kylo lui faire ça. Attends, excuse-moi, je m'aide pour grimper, quoi. Ah bah lui, il faut qu'il reste accroupi, du coup. C'est vrai qu'il lui fait ça. Et du coup. Ils vont dehors, ils voient que c'est la panade pour les X-Wing. Alors du coup, ils décident d'aller ouvrir d'aller faire un trou. Ils aimaient beaucoup l'oscillateur, alors du coup, ils ont décidé. Et ils aimaient beaucoup l'oscillateur, alors ils ont décidé de faire un trou dedans. Bah, c'est surtout qu'ils avaient un sac plein de bombes qui ressemblent à des coucougnettes, donc. Et c'est parti, le retour de la coucougnette. On va coller des coucougnettes partout, tu vas voir. Attends, mais il y a eu du setup, il faut du payoff. Au moment où ils chargent le Faucon Millenium, quand Anne et Leia se disent adieu, enfin, ils savent pas que c'est un adieu, mais voilà, à ce moment-là, il y a Finn qui est en train de charger les caisses, et Anne, il lui dit, fais gaffe, c'est des explosifs. Et Finn, il lui fait, ah, c'est maintenant que tu me préviens. Le payoff, c'est, on va mettre des coucougnettes un peu partout pour tout sauter. Fais gaffe, Finn, c'est des coucougnettes, ça. Et c'est maintenant que tu me le dis. et du coup ils vont à l'intérieur du truc, il y a Rey qui va leur ouvrir la porte d'ailleurs parce que parce que c'est Rey, hein, elle connaît les infrastructures de l'Empire et tout, et ils se retrouvent dans cette immense salle avec le pont ouais ok avec ses lunettes. C'est ce que je pense aussi. On a bientôt fini. comment dire bah du coup tu m'as coupé. Ben il y a la confrontation père-fils. Désolé. Non, c'est à cause de, en fait c'est tout est de la faute de Chewie, parce que c'est Chewie qui a l'idée de se séparer et et du coup Anne il est du mauvais côté. C'est de la faute de Chewie. Parce qu'il a écouté Anne, il a écouté le plan de Chewbacca et ces aliens là qui foutent la merde. Ouais. Oh. Non, puis il a écouté Leia, c'est elle qui lui a demandé de ramener Ben aussi. Hein. Ouais. Faut pas d'ailleurs, écouter les étrangers et les femmes, c'est ça que ça veut dire, c'est ça le vrai message du film. Les mecs sur Internet, ils avaient raison. Mais du coup, alors, est-ce que ça veut dire que Anne était prêt à laisser, enfin, si Leia lui avait pas demandé de ramener leur fils, il était prêt à laisser crever sur Starkiller au moment où ils aient tous sauté? Parce que j'ai vu circuler ça sur Internet, genre, Anne, il avait baissé les bras, il aurait laissé Ben crever, il aurait tout fait péter, quoi. Et ça tient pas. Ben... J'y crois pas une seconde, mais du coup, c'est vrai que c'est... On peut se poser la question, quoi. Je pense que s'il s'était retrouvé dans la même situation, là, face à Ben seul, sans que Léa il lui ait dit quoi que ce soit, je pense qu'il aurait quand même eu le réflexe de... Ouais, il y serait allé aussi, ouais. Il serait allé quand même. Ouais, alors déjà qu'il n'était pas très éloquent, alors qu'est-ce que ça aurait été s'il n'avait pas été préparé? Ben, fais pas le con. C'est important ce qu'il lui dit sur la passerelle, parce que il prépare le terrain pour l'épisode 8, pour la mort de Snoke. Ouais. Non mais, ce qui est rigolo, c'est que je pense que un truc qui manquait aussi dans tout ce que Anne lui a dit sur le pont, c'est genre il lui a même pas dit qu'il l'aimait. Il dit ouais viens à la maison, tu nous manques machin truc et tout, mais jamais à un seul moment personne lui dit qu'il l'aime. Ou personne ne s'excuse aussi. Si ouais. Dans l'épisode 8, ah Luke oui, s'excuse. Mais dans le 7. Je dis juste que pour l'instant personne ne lui a dit ça, alors que c'est le truc. à lui dire. Dont il a besoin. Que quelqu'un devrait lui dire. Et c'est pas par hasard. Ça va arriver, t'inquiète. Je pense qu'il le garde pour Léa. Il le gardait pour Léa. Oh bah. Ouais. Vraisemblablement. Bah merci. Bah ils vont réussir à le caser, ils vont trouver une astuce. Oui. Bah il y a une autre personne, hein, il reste un autre espoir que quelqu'un lui dise je t'aime. Bah passerait qu'il faut qu'il se réconcilie avec son passé aussi, donc ce serait bien qu'il y ait quelqu'un de. Il y a Lando, t'imagines avec la cape, allez on t'aime mon petit gars. Moi je t'aime. Chewbacca. Viens faire c'est un tour Chewbacca, dans mon cockpit. c'est mon cockpit bah, a... en fait. Il y a Chewbacca aussi quelque oui, part. Oui, bah Chewbacca il va être super important aussi. Chewbacca qui lui a tiré dessus. Hein. En plus, il l'a pas tué. Ça veut dire il chose, aurait pu le tuer. Ils ont passé tout le film à faire du setup sur l'arbalète, elle défonce tout. Et là, c'est à la fois, ça montre la force de Kylo, son endurance, etc. Pour tous ceux qui le traitent de fiotte, je trouve ça un peu gros quand tu vois ce qu'il arrive à encaisser, le mec. C'est dingue. Et puis Chewie, s'il avait voulu le tuer, il aurait visé le cœur ou la tête, c'était fini, c'était plié. Hein. Donc, il voulait le blesser. Parce qu'il était fou de rage et de douleur, mais je pense que dans un coin de sa tête, il s'est souvenu que c'était quand même le fils de Anne et Léa, quoi. Ben c'est son neveu. Ouais, c'est un truc que je me demandais. J'ai pas trop lu les bouquins. Est-ce que ils ont eu des contacts quand il a grandi? Genre, il était autour. Sûrement. Ouais. Ouais. Ah oui, bah, il était tout le temps fourré avec Anne. Donc quand Anne était dans les parages, Chewie aussi. Ouais. Donc ouais non ça tu ouais non c'est j'ai vraiment hâte de savoir comment est-ce qu'ils vont traiter cet aspect-là dans le 9. Bah c'est déjà en un épisode il est passé de vouloir le tuer à lui livrer sa gonzesse, alors je pense que dans le 9 ça va aller. C'est clair. Et puis dans en plus voilà ouais ça montre à quel point il est badass Kylo, parce que il sent un peu trop tard qu'il y a le tir qui vient et il le ralentit. Il n'arrive pas à le stopper complètement et mais il arrive quand même à le ralentir pour pas que ça lui transperce le bide, parce que même sur le bide, ça l'aurait quand même défoncé. On l'a vu avec les Stormtroopers. Ah, puis ça doit doublement faire mal, hein, parce que ça vient de tonton Chewie, justement. Hein, parce qu'il voit d'où ça vient. Et il arrive à contenir l'impact avec la force, ouais. Mais enfin bon, il saigne quand même de ouf. Hein. Oui, mais bon, il n'a pas la moitié du bide arraché. Ouais. Alors, juste pour finir sur Chewbacca, un truc qui m'a fait tiquer, que j'ai trouvé rigolo, c'est au moment où ils font exploser la zone. Ça m'a fait trop bizarre, parce que donc c'est Chewbacca qui active le truc en appuyant sur le détonateur, et ça m'a fait trop bizarre en fait d'imaginer Chewbacca avec des doigts en fait. Parce oui, que moi aussi. Il a toujours, il a un bras, c'est tout touffu, il y a pas vraiment de doigts dessous. Ça m'a et fait là, vraiment bizarre. On les voit. Ouais, même quand il tient son arbalète, c'est deux grosses moufles en fait, c'est pas des doigts. Je crois que c'est la première fois qu'on a un gros plan sur les doigts de Chewbacca. Bah, on ne voit ça, même hein. pas Rian Johnson, le roi du porno de la main, tu vois. C'est JJ qui lui a coupé l'herbe sous le pied. La postlogie, c'est des doigts et des boules. Ah bah, l'épisode 8, c'est que ça. Hein. Des doigts et des boules, je me demande ce que ça peut faire comme image, un doigt avec plusieurs boules. Ça ferait un bon titre. Hein. C'est dommage qu'il ait appelé l'ascension Skywalker, tu vois, il aurait dû faire des doigts et des boules. Épisode ça ferait un bon titre pour le podcast. Bah, pour cet épisode. Ou pour une parodie porno du film. Et du coup, après, enfin, je sais pas si vous avez envie de parler plus longtemps de la non, on veut la mort de Anne. Il pardonne à son fils quand même. Hein. Il y a déjà quand il voit son fils qui lui dit qu'il souffre et qu'il veut que cette souffrance s'arrête. Tu vois sur le regard de Anne qui ça lui crève le cœur de voir que son gamin souffre. Et puis au moment où Kylo le tue, c'est pas du tout un regard de haine sur le visage de Anne. Il lui caresse la joue et c'est que de l'amour en fait. Il lui a pas dit avec les mots qu'il l'aimait. Il aurait peut-être dû, ça aurait peut-être fait basculer la situation. Là c'était trop tard. Bah non, moi je pense pas. Je pense qu'à ce moment-là, il plante quand même les graines pour la rédemption de Ben. Oui, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, moi ça me rend ouf les gens qui disent qu'il faut qu'il meure, genre. Vous avez vraiment aucune compréhension des images qu'on vous envoie. Le gars, il vient de se faire tuer par son fils et il lui caresse le visage. L'autre, il est en pleurs, genre, vous croyez, Vous croyez quoi? Vous croyez que là, du coup, il y a des gens qui croient que le mec, il y est allé et il a fait semblant de vouloir rentrer à la maison et tout pour pouvoir mieux tuer son père. Enfin, je veux dire, s'il avait voulu le tuer direct, ben, il l'aurait jeté dans le vide avec la force. Il y a même pas de rambarde. Non, en plus, ce qui fait, moi, je pense qu'il aurait pu en plus tourner à ce moment-là et il bascule. Au moment où il voit qu'il n'y a plus d'espoir selon lui, parce que tout devient obscur, parce que le soleil a fini, enfin, l'étoile a fini d'être absorbée. Elle a fini d'être absorbée, ça veut dire que l'arme est prête à tirer, ça veut dire que sa mère va mourir, que toute la résistance va mourir, et du coup, c'est trop tard. Et c'est pour ça aussi qu'il se dit, bon, bah, tant pis, c'est ce chemin-là que je dois suivre, parce que même si je reviens, bah, il n'y aura plus personne. Ah oui, c'est vrai qu'il y a peut-être ça aussi, ouais. Puis symboliquement, la lumière s'est éteinte et Po dit juste avant, tant qu'il y a de la lumière, il y a de l'espoir. Ouais, exactement. Et là, il y a lumière, donc ouais. C'est ça. Et en fait, il hésite. Il est toujours entre ce conflit de la lumière ou l'obscurité. Et quand il voit que tout s'obscurcit, ben, il comprend que c'est de ce côté-là qu'il doit aller. Parce que pour lui, il n'y a plus d'espoir. Il est ouais, il croit que c'est trop tard. Bah, ouais. C'est ça. Et du coup, bah, voilà, il les poursuit encore. Et il poursuit encore Ray dans une forêt. dans une forêt. La vision de Ray se réalise. Mais c'est dingue qu'il la poursuive. Parce que le mec, il est en vrac à tous les niveaux. Physiquement, psychiquement. Ah, mais il tient, elle. Puis t'as Starkiller qui est en train de péter quand même. Hein, donc peut-être ouais, d'autres considérations. Ouais, qui se désagréger sous leurs pieds. Et lui, il la voit avec ce foutu Stormtrooper. Et là, son sang ne doit faire qu'un tour. Il se dit, bah, t'approches encore pas de ma gonzesse. C'est ça. C'est pas toi qu'aura la fille. Ah, vous bah, pensez qu'il pense ça? Ah oui. Bah oui. Ah, ok, ouais. Ah oui, oui. Il la regarde. Non, plus, et après, il aperçoit Finn. T'as un gros plan sur Finn. Et là, il y a son regard, son visage qui est déformé par la rage. Et c'est le moment où il se redresse et il commence à les courser. Il n'y aurait pas eu Finn. Il ne l'aurait peut-être pas suivi. Il aurait essayé de la récupérer pour la rembarquer dans sa navette. Bah oui, je veux dire, il était en train de la chercher. Bah oui. Ouais, ouais, non, c'est. Parce qu'il allait zapper son père, en fait, hein, quand il passait sur la passerelle. Il s'arrête, il marque un temps d'arrêt. Voilà, je crois que papa est dans les parages. Et puis, en fait, il continue, il trace. Il évite la confrontation. Il est toujours en train de chercher Ray à ce moment-là. Kylo est incapable de laisser Ray lui échapper. Hein. Mais je me disais qu'avec le deuil, peut-être qu'il aurait eu plus... Ah non, il est omnubilé par elle. C'est vrai. Non seulement Snoke lui a demandé de ramener la fille, de toute façon, c'est son intérêt personnel, la fille, quoi. C'est sa motivation, oui. Donc... Et là, en plus, il y a Finn qui risque de lui piquer. Ah ouais, il supporte pas, bien sûr. Et même, voilà, Finn, c'est la version de lui qui a fait les bons choix. En plus, qui se retrouve face à toutes les erreurs qu'il a faites. En fait, Finn s'est enfui grâce à sa compassion et du coup, il a encore plus la rage contre lui-même parce que lui, il a dû sacrifier son père. Et pendant ce temps-là, l'autre, il a fait aucun sacrifice et il s'en sort quand même bien. Et c'est aussi pour ça qu'il passe ses nerfs dessus, hein. Parce que les gens, ils sont là genre, oh mais regardez, il est trop nul, il devrait pouvoir le battre. Genre, le mec, il saigne. Le mec, il est en pleine hémorragie et il prend quand même le temps de jouer avec sa bouffe comme un chat, tu sais. C'est ça. Donc, c'est exactement ça. Il s'amuse avec, genre... oui. Et quand il en a marre, il le défonce. Hein. Ouais. Il se fait toucher par Finn parce qu'il fait n'importe quoi. Et ben, il lui met un taquet, puis il lui brise le dos. Voilà, ça lui prend deux mouvements. Quand il a fini. Et les gens, ils le voient pas. Genre, ils ont zéro capacité d'analyse de ce qui se passe et pourtant c'est enfin ça se voit comme le nez au milieu du front quoi. Ah oui. il a son regard arrogant et prétentieux hein quand il se bat. Ah il fait le pan hein. Il fait la roue là. Bah il fait la roue avec le sabre laser déjà hein. Il le fait. Ah mais ouais complètement. Ça. Et après il se fait avoir parce qu'il joue trop et là il fait ok c'est fini. Ok, il y en a marre, mais c'est un peu comme quand il courserait. Ouais, bon, ça va 5 minutes. Au bout d'un moment, c'est bon. Disons que pour une fois, c'est pas les coucougnettes, mais c'était qu'un concours de quéquettes quand même à ce moment-là. Ah, c'était un concours de quéquettes. Hein. Ah, tu veux te battre au sabre laser? Attends, on rigole. Attends, Finn, il les cumule. Sa défection que Kylo a facilité, sans le savoir au départ. Ça fait que Kylo, il se retrouve vraiment dans la merde, il a tué son père et tout, machin, voilà. Et puis, ce foutu Stormtrooper, il a le culot d'essayer de se barrer avec sa gonzesse. Et à un moment donné, il dégaine le sabre de la famille. Non mais, fini, il cumule, là. C'est un miracle qu'il l'ait pas tué. Il a bien dû se rendre compte qu'il l'avait pas tué. Il aurait pu l'achever, le décapiter, c'était fini pour Finn, il l'a pas fait. Donc, bon, il y a les besoins du scénario parce que Finn, c'est un héros, il faut qu'on le retrouve dans le reste de la trilogie, mais objectivement, Kylo, il l'a pas achevé. Il aurait pu, il l'a pas fait. Donc, c'est peut-être une forme de mépris. Oui, aussi, après, je vais te laisser mourir dans la neige, tiens. Oui, aussi. Ouais, ouais, aussi. De toute façon, il a pas le temps, il faut qu'il récupère le sabre laser de famille. Oui, c'est ça. Et qu'il embarquerait. Elle qui dort tranquillement dans... au pied de son arbre. Ah, on parle de l'arbre ou pas? Oh là là, c'est trop toxique, il l'a jeté contre un arbre. Enfin, elle allait lui tirer dessus à bout portant, elle lui atomisait la tête. C'est ça qui me rend ouf, genre, bah, elle allait lui tirer dessus, ça va, hein, franchement, il l'a jeté contre un arbre. Alors, ouais, mais le fait de... Ils sont, que ce soit contre un arbre ou quoi que ce soit, on s'en fout, c'est le fait qu'ils se battent, qu'ils sont en train de se battre l'un contre l'autre, ce qui fait que les gens se posent la question. Bah oui. Bah mais c'est la guerre, là, c'est un cas légitime. C'est elle qui commence à chaque fois, il l'a jamais attaqué Rey. Ouais. Il a jamais rien fait à Rey, à part lire dans ses pensées, mais elle lui a fait pareil juste après. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que justement, pourquoi est-ce les gens peut-être se posent la question, pourquoi, elle serait attirée par quelqu'un qui est un Sith, qui est du mauvais côté et qui finalement préfère lui tabasser la tronche plutôt que d'abandonner ses idéaux. Bah, c'est pas un Sith d'abord, encore pour l'instant. Ouais. Il essaye pas de la défoncer, il lui propose de lui apprendre comment bien utiliser la Force. À aucun moment il a essayé de la tuer ou de la blesser dans le duel. C'est pareil. Oui, il l'envoie juste balader parce qu'elle essaye de lui tirer dessus. Et puis, à ce moment-là, il veut s'occuper de Finn. Comment elle peut être attirée par lui? Ça, c'est ce qu'il développe dans l'épisode 8, en fait. L'épisode 7, c'est celui de la fascination et de l'attraction que lui, il éprouve envers elle. Elle est intriguée, mais elle n'est pas encore là. C'est à l'épisode 8 que ça devient réciproque. Et puis, peut-être la différence entre, disons, un film de guerre réaliste et... Un Star Wars qui est presque un conte de fées, en fait. C'est un conte de fées. Bah, même dans les conflits réalistes, ça arrive d'avoir de fricoter avec l'ennemi. Enfin, on a bien. Oui, bon. Il n'y aurait pas eu autant de femmes tendues à la libération. Je sais pas. Là, on est dans une situation réaliste. Une femme qui est en train de se faire tabasser par un mec et balancer contre un arbre et tout, je pense pas qu'elle reste avec le type. C'est pas une situation réaliste. Non, c'est pas une situation réaliste. C'est exactement ce que je dis. On est dans cette idée de conte de fées où c'est l'idée. C'est pas vraiment d'expliquer à un mec qui c'est pas de raconter l'histoire d'un type qui se bat au sabre laser avec la meuf et il tombe amoureux. C'est pas elle qui se fait tabasser, hein, c'est lui qui se fait tabasser quand même. Ah, c'est clair. Oui, mais il y a quand même de la violence entre eux. Ils se tirent dessus. C'est la guerre. C'est une situation. Attendez, je vous promets, je vous laisserai me contredire après. Je vais juste terminer ce que j'essayais de dire. L'idée, c'est de raconter l'histoire d'un retour vers la lumière d'un personnage justement perdu. Et donc. Forcément, il y a des frictions entre les deux. Le type s'interroge, il sait pas dans quelle direction où il veut aller. Et forcément, le fait qu'il y ait des frictions, ça cause du conflit avec les autres. Et c'est à ce moment-là, c'est matérialisé par ces moments de combat, ces moments de conflit physique ou mental entre les deux personnages. Mais c'est pas vraiment. C'est pas fait pour être réaliste, c'est fait pour illustrer ce combat mental qu'il a dans lui. C'est ce que je pense. Oui. Ouais. Non, mais c'est tout à fait ça. Ouais. Et je trouve ça assez étrange que les gens ils prennent tout de manière ultra littérale. Je veux dire. Ouais, parce que dans ce cas-là comment Padmé, elle aurait pu être attirée par Anakin? Elle l'a connu, c'était un gamin. Et quand elle le revoit, c'est un pervers qui la stalk et qui la harcèle et qui la met, la rend super inconfortable. Et après, il massacre tout un village. Ouais, même les enfants. Enfin, je veux dire, si tu veux foutre Star Wars dans un contexte réaliste, y a rien qui tient. Bien sûr. D'ailleurs, j'ai pas l'impression qu'il y avait eu autant de voix qui s'étaient élevées. Enfin, je sais pas à ma connaissance, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait eu tant de voix qui s'est élevée sur Padmé et Anakin, relation toxique. Non, il y en a même qui détestent le Relo, qui détestent Kylo et tout, mais qui sont à fond sur Padmé et Anakin, tu vois. Ce qui est complètement incohérent. Oui, ça je comprends vraiment pas. Pour le coup. Encore les gens qui n'arrivent pas à voir le... en quoi Relo, ça peut... Enfin, ça peut évoluer, tu vois, les relations entre les gens évoluent, en fait. C'est un peu le principe d'une histoire. S'ils finissent exactement comme ils ont commencé, ça... Y a pas d'histoire. Sans qu'il y ait une évolution au milieu, ça sert à rien. Bah, c'est la relation entre Finn et Rey, tu vois, quasiment. Enfin ils deviennent amis tout de suite, enfin, assez rapidement, ça évolue très très rapidement. Mm-hmm. Et je pense qu'ils seront au même niveau, enfin, ils sont au même niveau à la fin du 8 et ils seront au même niveau à la fin du 9. Oui. Ouais. Parce que c'est pas leur chemin. C'est ça, parce que c'est pas il n'y a pas de développement au niveau de leur relation. C'est pas le but du jeu. Il y a le sabre laser qui va jusqu'à la main de Rey et non pas de Kylo Ren, parce que bah, c'est elle qui... C'est, pour l'instant, il est pas digne de l'avoir. C'est le marteau de Thor. Ouais, non, mais c'est... C'est Excalibur, c'est ça. C'est ça, c'est l'arme magique qui dit non, après, plus tard. Mmh. Ouais. C'était pas très grave. Bah moi perso j'ai déjà dit un peu tout ce que j'avais à dire en dehors du fait que c'est quand même vachement beau dans la neige et tout ça rend super bien et tout c'est en plus avec tous ces arbres là comme ça qui sont sinistres et tout mais avec les lumières des sabres ça pète la classe. Elle est très très belle cette scène. Ouais. En plus c'est une vraie forêt c'est un set qu'ils ont fait. Ouais c'est peint derrière. Une vraie forêt de set. C'est des vrais arbres qui se font couper. Ouais. Oui, mais tout le fond, il est peint à la main. Oui, en fait. Pour donner de la profondeur. C'est ça, ouais. C'est encore plus dingue, ouais. C'est assez beau. C'est beau. Elle est hallucinante, cette scène. Et les lampes feutrées, là, qu'ils ont mis au-dessus, c'était des espèces de suspensions. Non, puis même la lumière des sabres, enfin, une scène qui rend justice, où il y a juste la lumière des sabres, c'est... Je me demande s'ils ont fait la version boule de neige. Comme dans La Belle et la Bête. Ouais, ce serait joli. Mais ce que j'aime bien justement, ce que j'aime bien, on s'en fout en vrai. Mais un truc que les gens remarquent pas non plus, c'est que justement pendant tout ce duel, lui il essaye jamais de la tuer, c'est elle qui essaye de le tuer ou de le fuir parce que lui il essaye de l'attraper parce que. Il veut qu'elle le rejoigne, hein. Il lui fait déjà son truc du vas-y rejoins-moi et puis c'est là que ça part en cacahuète pour lui. Non t'es pas prêt mec. Et j'adore parce que les gens ils sont là genre il s'est fait battre par une fille déjà je vois pas où est le problème et en plus le gars il vient de défoncer Finn, il vient de tuer son père. Et en plus, il s'est fait tirer dessus par Chewie, et le gars, il est encore debout, et il l'envoie balader, quoi. Il l'envoie balader dès qu'elle essaye de l'attaquer, il la repousse, et puis, elle recule, et puis, elle réessaye de l'attaquer, il la repousse, elle recule, et genre, il la domine tout du long, et c'est juste parce qu'à la fin, elle fait appel à la force qu'elle le bat, mais je veux dire... Il est super blessé. Je comprends pas comment les gens ils comprennent pas ce duel. En plus, il faut qu'il essaie de pas lui faire du mal, parce qu'elle pourrait se faire du mal. Exactement. C'est ça. Il aurait pu très bien la tuer tout de suite aussi, hein, mais c'est pas son but. Oh oui. Il veut lui enseigner, il est plus tout seul avec ce grand pouvoir, il a enfin quelqu'un avec qui le partager. Et ça tombe bien, c'est la nana qui lui a plu tout de suite. Ouais, c'est bien foutu quand même. Elle est belle et tout, ouais. Super. C'est ta chance, tu vois, c'est vrai. Oh. Ouais, c'est tout le problème, c'est qu'il lui dit qu'elle a besoin de lui, alors que ça doit se terminer en mode « c'est moi qui ai besoin de toi, en fait ». Bah, elle a besoin d'un maître, c'est sûr. Luke lui dit la même chose dans l'épisode 8. D'ailleurs, il lui dit pas, je vais t'enseigner le côté obscur. Il lui dit, je vais t'enseigner les voies de la force. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Mmh. Il choisit ses mots quand même. Hein. Mmh. Ouais, mmh. Donc, il veut pas qu'elle bascule du côté obscur comme lui. C'est encore autre chose qui l'intéresse. Ils sont déjà au-delà du clivage, en fait, dès cette scène. Lui, il a déjà compris intuitivement que ce clivage artificiel obscur-lumière, à un moment donné, il va falloir s'en débarrasser, quoi. Ce qui est très drôle, c'est que, bah, du coup, juste après qu'il lui ait dit ça, elle utilise le côté obscur pour le battre. Ouais, complètement. Ouais. Ouais, et elle lui botte les fesses. Oui. Et c'est mérité, il est hein. Complètement décontenancé, lui. Hein. Ah ouais, ouais. Mais en même temps, ça se voit qu'il apprécie un petit peu. Oui, marche-moi dessus maintenant. Il est quand même posé en victime. Hein. Oui. Et donc, il y a R2 qui se réveille, alors voilà. Ouais. Au moins, il y a eu R2 dans le film. Hein. Bah, il se réveille au moment où Ray est enfin en présence et où ils ont rassemblé la carte. Donc là, je pense que c'est encore un coup de ta gueule, c'est magique en fait. Oui, c'est ça. Ta gueule, c'est la force. Mais c'est ça. C'est. Bon, c'est pas spécialement gênant, mais c'est sûr qu'ils auraient pu trouver un truc mieux, mais c'est pas... Oh, c'est rigolo. Surtout que c'est tapé par C3PO. D'ailleurs, justement, oui, on en a pas du tout parlé, et à chaque fois, j'oublie que C3PO, il a le bras rouge dans le film, à dire à quel point ça sert à rien. C'est expliqué dans un comics, je crois. Ouais, mais enfin... C'est un truc qui s'est sacrifié. Bah, parce qu'il y avait d'autres films où des fois il avait une jambe qui était. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est un petit clin d'œil aussi, ça. C'est en mode, à chaque fois, il a un petit morceau qui est un fistolet. Ouais, mais dans les films, il est pas là en train de dire, oh, vous m'avez peut-être pas reconnu parce que j'ai une jambe dorée, genre. Argentée. Argentée. Genre, non. La réplique, elle sert à rien. À rien, ou peut-être que c'est quelque chose qui aura un payoff dans le 9 où il est censé avoir un rôle conséquent. Ouais, on verra bien. Voilà. Et puis, bah voilà, il y a Ray qui va chercher Luke. Qui va chercher Luke. Qui a pas l'air de la reconnaître comme sa fille, hein, déjà à la fin du set. Ouais. Ce que j'aime bien surtout, c'est qu'il a mis sa plus belle robe. Hein, il a mis sa robe de cérémonie, alors qu'on le voit tout le reste du temps, il se balade en pêcheur. Il a aucune raison d'être avec sa belle robe du dimanche. Je sais pas, il y avait un événement particulier qui justifiait cette tenue. Alors, canoniquement, ils ont dit que c'était parce que déjà ce jour-là, ils voulaient aller brûler l'arbre et en fait, il a pas réussi. Ah oui, d'accord, ok. Je crois que juste c'était parce que les grenouilles étaient en retard sur les lessives. Il avait plus un slip propre. T'es obligé de sortir la robe du dimanche parce qu'elle était en retard. Mais c'est pareil, tous les gens qui pensaient que genre Luc allait prendre le sabre laser et allait se battre direct, tu sais. Mais... Vous avez vu le regard qu'il fait à la fin là ? Ouais. Il a l'air d'être prêt à aller se défoncer. Bah, il se disait ça y est, le film va commencer. Enfin, Luc il est là. c'est Marc Hamill qui est là en mode j'ai le droit de rien dire. Allez. Du coup, Ximnut, alors qu'est-ce que t'en as pensé du film ? Ah, c'est comme ça que tu termines. Oui, bon, écoute, c'est bâclé sur la fin. Non, c'est. Ok. Bah, en fait, franchement, le film pose des super bases pour la suite. J'ai vraiment apprécié de le revoir parce que je l'avais pas revu depuis la sortie. Il a juste un défaut pour moi, et ça s'illustre bien par le fait qu'on en est à presque 4h30 de podcast, c'est qu'il a vraiment énormément de... Il a ce défaut d'être la base sur laquelle on va construire tout le nouvel univers, et il introduit énormément d'éléments. Et des histoires, des personnages, bon, des personnages, j'ai pas trop le choix, mais tous les personnages ont quasiment chacun leur histoire qui aura droit à un développement dans les films ou l'univers étendu. Et il a peut-être un petit côté un peu difficile à suivre parfois. C'est un truc que je me suis dit en revoyant le film. Il est très soutenu. Ouais, voilà. Et il a peut-être trop d'ambition dans certains cas par rapport à, on va dire, à l'épisode 4, qui était aussi un épisode d'introduction, qui a franchement une histoire super simple. Là, rien que pour cet épisode-là, on peut au moins lister 10 différents fils conducteurs pour chacun des personnages. Et il a peut-être ce petit souci-là, mais finalement, il était un peu obligé de tomber dans ce piège-là. Alors, c'est peut-être le genre de film qui est intéressant à revoir plusieurs fois pour vraiment capter tous les trucs, parce que moi-même, le podcast, ça a illustré plein de trucs auxquels j'avais pas forcément fait attention la première fois que j'avais écouté, que j'avais vu le film, des trucs qui m'étaient passés sous le nez parce que bah, j'avais pas fait attention ou j'avais pas les bonnes références en tête. Donc il a quand même, il propose des tas de bonnes choses, des tas de bonnes évolutions, je trouve, par rapport aux trilogies précédentes, des évolutions qui vont vraiment dans le bon sens. Et voilà, peut-être un chouïa chargé de temps en temps. Mais pour moi, voilà, j'ai vraiment bien apprécié de le revoir. Ouais. En fait, le truc, c'est que aussi, il aborde beaucoup, beaucoup de thèmes différents et de sujets très complexes. Mmh. Et du coup, il introduit beaucoup de personnages, comme tu disais, plein de trucs. Du coup, ça fait assez dense. Et parce que le 4, il abordait pas tant que ça de thèmes. Enfin, les personnages, ils ont pas une psychologie ultra. Ouais, complètement. Etc. Si tu comparerais Luc, c'est le jour et la nuit. Bah, le 4, c'était un stand-alone movie. Hein. Ils étaient pas sûrs de faire une suite. De toute façon, il doit y avoir de ça, ouais. Et puis le 4, c'était une aventure dans l'espace. Le 7, c'est les gens impactés Opéra. Par cette aventure. C'est tous les gens, tous les différents types de gens et tout. Donc ça fait du monde. Ah oui, non, je vois ce que tu veux dire, ok. Donc voilà, pour moi, c'est le seul défaut du film. D'ailleurs, je trouve ça intéressant parce que justement, par rapport à ce que tu dis, c'est que les gens, du coup, pareil pour la production, les mecs, ils se sont fait, bon, bah, on va faire plaisir visuellement aux gens en leur redonnant des trucs qu'ils aimaient déjà, et puis on va faire quelques trucs, quelques points du scénario qui rappelleront les films et tout, parce que hein, c'est Star Wars, ça rime, c'est marrant, hein, quand George Lucas le fait, c'est bien, mais quand Abrams il le fait, c'est très très mal, et il faut jamais faire ça, mais ils étaient obligés de faire ça, parce que justement, il faut donner un côté familier aux gens, pour pouvoir leur introduire les 10 000 trucs qu'ils avaient à leur introduire, et a priori c'était pas suffisant parce que les gens n'ont vu que la surface du truc, ouais. Et ils se sont dit bon, ça ressemble, donc c'est exactement la même chose, et du coup ils ont pas cherché plus loin que ça. Rey c'est Luke, et rien de plus. Poe c'est Han Solo a priori, du coup je suppose que Finn c'est la princesse Leia. mais c'est ce que je dis, c'est tout à l'heure, en fait, il a donné une histoire générale, un plot général familier pour justement pouvoir se concentrer sur les personnages et tout l'aspect social et etc. De la nouvelle postlogie. Et du coup, les gens ont vu que l'aspect esthétique, justement, de eux, ça ressemble trop aux quatre, alors que les thèmes abordés sont pas les mêmes, les personnages sont pas pareils, les conflits sont au sein des personnages et de façon interne, et c'est pas le conflit intergalactique qui compte cette fois-ci. Pour moi, le problème du 7, c'est que, et là encore c'est un moment méta, hein, c'est que c'est comme la carte de Luke Skywalker au début, c'est-à-dire que c'est un élément du puzzle et c'est pas la carte entière, et que l'élément du puzzle, il prendra jamais sens tant que t'auras pas la carte entière, et la carte entière, c'est d'avoir les deux autres épisodes derrière. Déjà, quand tu vois le dernier Jedi, ça a pas le même sens. Donc ça change beaucoup de choses. Enfin, ça permet de mettre en lumière des éléments qui sont déjà présents, qui sont en matrice, mais qui n'ont pas encore leur payoff. Et évidemment, avec le dernier Jedi, avec l'ascension de Skywalker, ça va encore plus prendre du sens, parce que ça va résoudre toutes les choses qui sont en germe et qu'on est obligé d'attendre, de voir dans sa résolution. On n'a pas la carte entière. Oui, c'est ça. Bah, c'est ce que tu disais. Le 4, c'était un stand-alone movie. Et celui-là, c'est le premier des derniers trois films. Le premier de la série de 9, même, carrément. Puisque le dernier épisode, l'épisode 9, est censé également nous clôturer toute la saga. C'est un projet ambitieux. C'est la guerre et la paix, là. On est en mode saga russe, hein. Clairement. Oui. Et du coup, il est placé dans une position très difficile parce qu'il doit reprendre ce qui a été fait avant, faire venir des nouveaux fans, parler aux anciens fans et introduire la trilogie finale, tout en étant le premier de la série de la trilogie. Avec la prélogie. Parce qu'on sort de la prélogie qui a quand même eu un impact forcément positif. Je trouve que pour le coup, il fait bien son boulot. Ouais. Et puis même, pas que les films, parce que comme on avait dit au tout début, c'est aussi un reboot de l'univers complet. Oui. Oui, oui, il est dans une position pas facile, le 7. Hein. Mm-hmm. Puis le 9, ça va être pareil, c'est, tu dois clôturer tout cet univers. Oui. Et Aurélie, tu n'as pas donné tes dernières... moi, je suis comme vous, c'est-à-dire, on se rend bien compte que l'épisode 7, il est obligé de faire le grand écart. Faire le lien avec ce qui s'était fait avant, le passage de relais entre les héros de la trilogie d'origine et les nouveaux personnages. Et en même temps, on reste dans la thématique de la saga Skywalker. Et en même temps, il faut que ce soit dynamique, etc. Moi, j'ai vraiment eu l'impression... Enfin, on lui reproche d'être un copycat de l'épisode 4. En fait, visuellement, et par certains éléments de l'intrigue, effectivement, il peut faire penser à l'épisode 4. Mais tu as tout à fait raison, Tuki. On est déjà au niveau de l'Empire contre-attaque pour ce qui est du développement des personnages et du développement de leur conflit intérieur. Et c'est vraiment le conflit des personnages qui fait avancer l'histoire. Donc, il est beaucoup plus complexe qu'il n'en a l'air, et beaucoup plus complexe que l'épisode 4. Et je pense que c'est pour ça que les gens, ils n'arrivent pas trop à se situer par rapport à ce film. En plus, c'est un film de JJ, donc il est hyper soutenu, hein, comme vous l'avez dit. Donc, ça va très très vite. Il y a beaucoup beaucoup de choses, il faut plusieurs visionnages. Et même si l'épisode 8, de ce point de vue-là, c'est encore le niveau du dessus, quoi. C'est terrible. Clairement. Elle s'arrête jamais, cette postlogie. Et puis en plus, maintenant, c'est du côté du point de vue de l'héroïne. Donc ça fait aussi un truc nouveau que tu dois appréhender en plus du reste. Non, parce que c'est pas un truc que tu vois forcément beaucoup dans les trucs. Non, parce que d'habitude, les héroïnes, c'est juste un mec avec des cheveux longs et... Et des attributs féminins, ouais, mais dans les trucs, genre, par exemple, je sais pas, moi, les Hunger Games et tout, moi, j'ai toujours eu l'impression que tu la remplaces par un mec, par exemple, je trouve que ça change rien, alors que là, c'est essentiel au personnage de Rey, en fait, d'être une femme. Ah oui, elle est vraiment sur un parcours d'héroïne. Voilà. C'est pas un parcours pas un de voyage héros, du héros adapté. Sauf que c'est une fille, quoi. Ouais. C'est pour ça que les gens ont perdu un peu leur repère. Et puis, de toute façon, à partir du moment où tu allais centrer sur une fille dans Star Wars, t'allais perdre une partie des fanboys, quoi qu'il arrive. Je pense qu'ils le savaient très bien. Ils l'ont pas perdu parce que, de toute façon, ils continueront à regarder, même si c'est pour cracher dessus. Donc, ouais, c'est clair. Tu te les mets à dos, mais tu les perds pas vraiment. Ils achèteront pas de goodies. Si, pour les découper. Pour les casser. Oh, c'est vrai, j'ai vu passer des vidéos comme ça. Ouais, des gens qui achetaient une tonne de figurines roses pour les couper. Bah, du coup, bah, tant mieux, continuez d'acheter des figurines roses, comme ça ils en feront peut-être plus et nous on pourra en avoir aussi. Bah ouais, puis ça reste de l'argent qui rentre dans les poches de Disney. Hein, donc, ah oui, mais non, mais ça prouve malin, à quel point, oui, voilà, ils sont pas très futés. Ok. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, les Lucasfilles? Sur Internet. Eh ben, sur YouTube. Sur notre chaîne YouTube. Et puis sur les réseaux sociaux, donc on a toutes les deux un Tumblr, et puis Claire t'as un Twitter. Ouais, mais et moi j'ai un Instagram. Ouais, bah pareil, Instagram c'est juste c'est pour regarder les trucs des gens. Hein. Ouais, c'est ça. j'ai rien mis sur le mien, c'est juste pour suivre des gens intéressants. Non, puis on met une alerte sur Twitter et puis Instagram quand on sort une nouvelle vidéo. Mais ouais. C'est surtout la chaîne YouTube, je dirais. Eh bien, super. J'étais très, très content de faire cette émission avec vous. On a mis encore plus de temps que ce que je pensais. Oh, la vache. Oh là là. Mais et c'était que l'épisode 7. Ouais, oh là là, le 8. Ouf. À un moment, je me disais peut-être qu'on va vous réinviter pour l'épisode 8, mais j'ai peut-être pas envie de faire un épisode de 8 heures. Donc. Bah, cette fois-ci, on commencera plus tôt, quoi. Là. Non, bloc de soirée. Hein. Bloc de soirée direct. Hein. Alors moi, je voulais juste dire, par rapport à nous, ça sera peut-être résolu au moment où le podcast sort, mais on a un petit souci avec iTunes qu'on est en train d'essayer de résoudre. Que voilà, c'est si vous écoutez sur toutes les autres plateformes, il n'y a pas de problème. Mais si vous écoutez sur iTunes, ben vous n'entendrez pas ce message vu que le podcast n'est plus sur iTunes. Quelle info. Merci Xemut. De rien. Bien fait de rester. Eh bien, très bien. Comment je peux finir cet épisode? Bah, nous, on peut te remercier de nous avoir invités. Bah oui, déjà. Merci. Merci. Merci d'avoir passé la nuit avec nous. Et merci de nous avoir supportés pendant aussi longtemps. Ah bah, c'était c'était pas une corvée, hein. Merci d'avoir supporté nos coucougnettes. Ah bah, excellent. Super, merci. Ah bah, fallait le caser avant la fin. Mais comme ça, tu les as pas supportées toutes seules, les coucougnettes, ce soir. Eh oui. Mes mains sont plus légères. Là, c'est ça. On était majoritaires, les filles. Ouais. Mais ouais. Merci, Matt. Et ben, du coup, le mot de la fin, tuez le père et que les coucougnettes soient avec vous. Ciao. Ciao. Salut tout le monde. Salut.